À partir de 21h30, c'est Los Gabachos Banda, votre programme français. Cette fois-ci, je ne suis plus seul à présenter cette émission puisque deux petites semaines maintenant se sont écoulées en l'absence de notre ami Briochin, revenu du pays. Et ouais, je suis de retour. Putain, ça fait plaisir. Hein. Je fais le petit putain à chaque fois parce que c'est plus fort que moi contre Amanda. Ah, de retour de la France. La grossièreté avant tout. De retour ici. Oh, de la balle. De la balle, content d'être là. Carrément, carrément à l'arrache comme d'hab. Hein. Enfin, je veux dire, on attend du monde, ceci, cela, tout se prépare. Les gens, oh, il y a une grosse émission, attention ce soir, parce qu'on reçoit des gens qui sont pas là, il faut qui dire, sont il pas faut là dire, franchement. Pour l'instant, mais qui vont arriver. Enfin, il y a deux parties. On a, en fait, on est en train d'écouter un petit jingle. C'est un petit peu verdé au début, pas de problème, mais bon, on va enchaîner. Hein, Lorenzo, t'inquiète. Il n'y a aucun problème, tout va bien. En tout cas, nous, on est dans la place à partir de 21h30, comme tous les lundis. Et ce, jusqu'à 23h30, votre programme français pour la communauté française. Les gabachos qui nous écoutent derrière leur poste de radio doivent être ravis. Tous les lundis, pendant 2 heures, on parle français. Ce soir, on va recevoir un certain nombre de gens. On va parler de Sound System avec notre ami qui devrait pas tarder à prendre place dans les studios, à choper un micro, à nous raconter tout ça, puisqu'il organise beaucoup de soirées ici à Barcelone. En France, c'est un Français, donc il vous parlera français. No pasa nada, il n'y aura pas de problème là-dessus au niveau de la traduction. Quoi qu'il se passe, que ça soit catalan ou espagnol, nous on peut traduire puisqu'on est là aussi là pour ça. Mais sachez qu'on recevra un Français qui fait des sound systems, qui nous parlera de ses soirées. Et puis en deuxième partie de cette émission, à partir de 22h15, 22h30, je te le donne en mille, on y va. La caution. Eh ouais, la caution. La caution, le groupe de rap qui était hip-hop, qui est venu, descendu exprès pour le festival Urban Funk qui a eu lieu tout le week-end ici à Barcelone, vendredi soir, samedi matin, samedi soir et puis dimanche dans la journée. Le groupe La Caution qui a eu l'occasion de faire une apparition sur scène, ça s'est passé samedi soir au théâtre sur la Rambla, on en parlera avec eux tout à l'heure. La Caution qui est la figure emblématique du hip-hop français aujourd'hui en France et puis à l'étranger d'ailleurs au passage. Hein. Carrément, la nouvelle scène, faut le dire, hein. Et puis stratégiquement c'était bien vu de les faire venir à Barcelone parce que La Caution c'est on va dire ouais effectivement le nouveau côté hip-hop à la française, à la manière électro, et ici ça plaît beaucoup à Barcelone. Donc c'était pari gagné, ils sont venus, ils ont tout pété juste avant, il faut le dire, attention, première partie de La Soul qui était là à Barça aussi. De La Soul qui a effectivement fait eux aussi leur apparition sur scène, mais cette fois-ci De La Soul malheureusement, on ne vous donnera pas l'occasion de les écouter dans cette émission, ils sont déjà repartis. La Caution, eux, ils nous ont fait le plaisir de rester un petit peu plus en Catalogne, profiter un petit peu de l'ambiance barcelonaise. Ils nous raconteront tout ça, ils vous donneront leur avis là-dessus. Je crois que c'était leur premier passage en Espagne et je crois que ça s'est relativement bien passé. En attendant notre invité qui nous parlera de reggae dans un tout petit instant, on va se faire un petit plaisir avec un titre qui a cartonné. Il s'appelle Damian Marley. On écoute du son, du reggae jusqu'à 22h15. Por favor. Boulop. Ça se passe tous les lundis à partir de 21h30. Et ce jusqu'à 23h30. S'il vous plaît, prévenez vos voisins, ils sont pas encore au courant. And pros like them named Chuck Norris. And don't know the real hard pork. Our sandals and no back to. He tugs them with the way them got to. And won't think twice to shot you. Don't make them spot you. Unless you carry guns and lads too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them wheel and pop off and them start clap it. With the pin file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Funny man a get dropped like a bad habit. Some a bad a post off if you don't have it. Rastafari stands alone. I'll come to jam rock. Hey. I'll come to jam rock. Out in the street, they call it murder. Poor people are dead at random. Political violence.

But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. À 21h40, ça se passe comme ça sur Radio Contrabanda. Si vous venez de vous connecter par le biais du web, c'est www.contrabanda.org. Pour vous, les gabachos qui nous écoutez derrière votre poste de radio, c'est sur le 91.4 en fréquence mégahertz. Du roots, du reggae, c'est ce que vous avez entendu depuis le début de cette émission. Et c'est pas tout à fait par hasard, puisqu'on est en compagnie de quelqu'un qui s'y connaît bien dans le milieu, justement. Ouais, dans le genre musical. L'attendait. Il est là, Lionel. Et c'est de la dub, particulièrement. Effectivement, tout le milieu reggae regroupe un paquet de choses, du roots et compagnie. Et là, on va parler avec toi, Lionel. On t'attendait. Effectivement, à l'espagnol, on a une vision géniale, une putain de vue, hein, ça faut le dire, de Contrabanda ici, Plaza Real. On t'a aperçu près de la fontaine, c'est vrai que c'est toujours le moment magique d'aller chercher les gens. On t'a, et voilà, et donc pas de problème, il est là Lionel, et on va parler d'Ob ce soir. Donc explique-nous un petit peu d'où tu viens, tes relations justement avec le reggae en général. En fait, on t'a invité pour une soirée, explique-nous un petit peu, ta soirée Dub Meeting, c'est ça? Bah alors en fait, Dub Meeting, c'est une initiative donc du Sound System qu'on anime avec Adèle et Jordi, donc deux amis d'ici. C'est un Sound System qui s'appelle Leones Humildes Hi-Fi. Donc Hi-Fi, pourquoi Hi-Fi? Parce qu'en fait, tout le son a été construit à la main, en fait. Donc tu vois, tout ce qui est les enceintes, donc les grosses boîtes de basse, les médiums, les aigus, tout a été fait à la main, donc dans la tradition un peu bien roots. Combien de temps que tu es ici à Barcelone maintenant? Moi, c'est la sixième année. Donc on a commencé en fait avec Adèle à jouer à droite à gauche dans les bars, dans un bar de... Vous avez fondé un collectif, collectif-là, qui fait des sound systems. Voilà, qui s'appelait donc au début, ça s'appelait Almighty Lions. Okay. Donc voilà, et puis après, on a dit, bon, on va peut-être prendre un virage un peu plus humble quand même, parce que Almighty Lions, fallait le porter quand même. Donc on a dit, on va appeler ça Leones Humildes, donc Humble Lion Hi-Fi. Donc originaire de France. Ouais, de Lille. De Lille à la base. D'accord, du Nord. Ouais. D'accord. Et à Lille, tu t'avais déjà commencé une formation comme celle-ci? Non, parce que moi, en fait, j'arrivais d'Angleterre, en fait. Mm-hmm. Et c'est, donc, j'ai habité 5 ans en Angleterre avant de venir ici. Donc c'est un peu là-dedans, c'est un peu là-bas que je suis tombé dedans, un peu aller voir donc Chanty, Chaka, Channel One. C'est là qui se passe effectivement à Londres. Et puis c'est une scène vraiment différente de ce qu'on peut voir ici au niveau du dancehall. Justement, explique-nous un peu justement la différence, parce que dans l'esprit des gens, effectivement, on s'imagine bon la bonne vieille dub des familles de Jamaïque, mais qui est arrivée effectivement à Londres, toute l'évolution musicale qu'on connaît à ce sujet-là. Et par rapport à Barcelone, la dub. Enfin, le dub en règle générale, toi tu vois ça comment ici par rapport à là-bas? Ah ben moi je vois ici c'est une toute petite plante toute nouvelle qui est en train de grandir tout doucement. C'est une plante qui a déjà fleuri en Europe un peu partout et puis bon qui a ses racines en Angleterre, je dirais, et puis est un peu plus loin en Jamaïque quoi. Mais on peut voir en fait par rapport à ce que tu disais du dub jamaïcain, du bon vieux dub comme on l'imagine. Donc c'est la fondation de la musique. Et de beaucoup de musique et c'est la fondation du dub actuel aussi. Mais ce qui se passe, c'est que l'environnement, je pense, en Angleterre est plus dur. C'est peut-être plus urbain, ou tu vois. Donc c'est une autre réalité. L'influence des musiques, tu vois, drum and bass, techno, c'est des milieux qui sont pas fermés complètement sur eux-mêmes. Hein, donc il y a des inspirations qui viennent d'un peu partout. Voilà. Justement, toi, la petite touche à l'anglaise que tu as pu ramener ici, que tu inclus à tes sons et tes sons de système, ça va être quoi par exemple? C'est déjà, je pense, dans la sélection en général. Donc on va jouer surtout dub, on va jouer souvent du roots, du bon, de l'ancien. Et après voilà des familles du gros quittage et après on enchaîne souvent sur du dub et du dub anglais quoi, ce qui n'est pas vraiment joué ailleurs ici sur d'autres sons quoi. Donc je pense à la limite là on se retrouve le plus avec les sons d'ici, c'est quand on joue un peu de new roots ou tu vois, donc il y a un peu un territoire commun entre tout le monde quoi. Mais sinon quand il en vient au dub, enfin, au niveau de la sélection, c'est quelque chose de différent. Et puis ça, et puis après le son quoi, tu vois, on a décidé de traiter la musique avec respect quoi, parce que plein de fois tu peux pas jouer le dub sur une petite sono de bar ou un truc, tu sais, c'est un truc qui marche avec la grosse basse, un truc qui marche avec les aigus qui fracassent, les trompettes qui partent en l'air. Bon, c'est bien de le faire dans un bar, mais c'est pas vraiment la vraie expérience. Et donc, vous êtes fabriqué en clair un espèce de sound system itinérant. T'as pris ton tournevis, t'as monté les caisses. Alors, moi, j'ai pris mon tournevis. Faut avant tout que je passe tribute à mon ami Adèle, quoi. Parce que si sans lui, je serais en train de regarder les plans en me disant, attends, ça c'est en bas, ça c'est non. Et ça va, il y a du bon son, ça pète, quoi. C'est lui qui s'occupe de l'aspect technique. C'est lui qui règle un peu. C'est un peu notre soundman, quoi. L'endroit où vous faites votre sound system jeudi prochain. Vous êtes résident maintenant là-bas, ça se passe bah, en fait, on a, c'est bah, notre première résidence depuis qu'on a commencé le Sound, en fait, et c'est tous les deuxièmes jeudis du mois, donc dans la salle à Bigoud, en ouais. face de, donc c'est en face de la Macabra, pour ceux voilà, qui connaissent. Voilà, Poblenau, c'est ça, Poblenau. Sancho de Avila. Sancho de Avila, exactement, le numéro, ouais. vers la fin. Voilà, ça a l'air cool, hein. Vers la fin, voilà. ça a l'air cool, minuit, 5h du mat, 5€ avec une conso, voilà. C'est un jeudi soir, donc en plus, je pense que l'intérêt d'un jeudi soir, c'est que tu attires bah, des gens qui viennent pour la musique. Ah, puis c'est pas la même foule du samedi soir qui veut lui sortir. C'est des gens qui cherchent. Effectivement, en plus, tu vois, le jeudi soir, là, on faisait le bilan, on a des amis, là, on fera un petit peu le tour tous les concerts de la semaine, comme d'habitude. Donc les Batuqueros seront Corte Club. Mais on a pu noter qu'il n'y a pas grand-chose jeudi. Pour vous, c'est bien ça, c'est clair. Ah non, ramener jeudi, du monde là-bas, Macabre en face, en plus. En plus, bah, le son qu'on fait, c'est pas vraiment un son commercial, tu vois, c'est un petit peu underground sur les bords quand même. Donc je pense pas qu'on remplirait une salle entière un samedi soir, tu vois. Donc on est mieux à faire notre petit truc la semaine tranquille un jeudi soir avec les gens qui aiment bien. On commence à avoir une petite communauté qui vient à chaque fois. Mais je préfère que ça se passe comme ça. Plutôt que de nous lancer dans la grosse jungle du samedi soir ou... Donc tu pars de Lille, tu t'arrives à Londres en Angleterre. Voilà. Tu commences à tâter un petit peu puisque tu étais fan de reggae. Voilà, j'aimais bien reggae. Et puis après, donc, bah, tu vas voir Jashaka pour la première fois. Et là, bam, Revelation. Grosse claque. Tu prends une claque, tu fais c'est ça qu'il faut que je diffuse. Ouais, enfin, moi, c'est vraiment... C'était une... Bah, je sortais pas mal en plus techno à l'époque et tout ça, tu vois. Enfin, c'était un peu un background que j'avais sur Lille et tout. Et puis bah, j'ai vu ça comme une alternative, tu vois, où vraiment les gens restaient là parce qu'ils aimaient la musique. T'avais pas de problème de substance, vraiment. Mm-hmm. T'avais un vrai message qui était là. Et puis les gens venaient écouter ton son et faire la fête par la même occasion. C'était voilà. l'esprit, en tout voilà. cas. Ouais, j'aimais bien le côté que ce soit un divertissement, mais en même temps une éducation. Enfin, pas une éducation, je trouve que c'est un petit peu peut-être présomptueux comme terme, mais tu vois, ça te donne... des idées, message, et, voilà. tu vois, et ça peut peut-être un peu t'éclairer sur la vie de tous les jours. Bah. Et tes références musicales en matière de reggae aujourd'hui, c'est quoi? Ouais, bah, c'est, moi j'aime bien tous les vieux 70s, quoi, donc Johnny Osborne, tous les vieux Greensleeves, toutes ces séries-là. J'aime beaucoup Vivian Jones aussi comme artiste. Et en matière de reggae français qui est inexistant en matière à de français, je suis un peu... si, j'ai acheté un truc l'autre jour, c'est... Dub Addict, ne m'en fous pas Lucie, ouais. Je l'ai ramené là si vous voulez. Ah bah écoute, on va y passer ouais, voir, cartonne, bien sûr, ça, on va profiter carrément. De tout ça pour passer du son. Et 6 ans, il y a Barcelone, c'était quoi la motivation de venir ici en Espagne? C'était dans le but justement de développer cette musique ici à Barcelone? Non, au début, je bossais en Angleterre et ils m'ont proposé un boulot ici. Et puis bah, l'Angleterre, c'est, enfin Londres, c'est, t'apprends plein de trucs, c'est sympa, mais au bout d'un moment, bon, c'est quand même un style de vie que je voulais pas maintenir trop longtemps, quoi. Donc à Barcelone, j'ai trouvé quelque chose qui me convenait plus. C'est comment là-bas? C'est un cercle fermé, mais en même temps de puriste, ou c'est... Bah, c'est puriste. Déjà, c'est plus orthodoxe qu'ici. Donc est-ce qu'il y a une grosse communauté rasta qui est là? Et bah, bon, il y a une grosse partie de la scène anglaise et une scène assez orthodoxe quand même, quoi. Le message est là. Hein. Et développer les sound systems à Barcelone, c'est plus compliqué qu'à Londres, ou peut-être beaucoup plus compliqué qu'en France? Je sais pas. Je pense que c'est moins compliqué dans la mesure où c'est plus neuf. Donc il y a peut-être plus de place et trucs comme ça, mais en même temps, il n'y a pas la même culture derrière, je pense. Et il n'y a pas la même appréciation au niveau du public, quoi. Mais petit D'accord. à petit, on y arrive. C'est vrai qu'effectivement, à ce sujet-là, c'est un peu tout nouveau. Il y a pas mal de monde qui se lance là-dedans. On a eu l'occasion de recevoir Nico, ouais, des Black Sound System. Donc Black Mountain, Black Mountain Sound System. Ouais, Black Mountain, on les connaît. Ouais. Voilà, donc je m'en doutais que tu connaissais, c'est évident. Et qui c'est qui a autrement du Baïa, là, une des serveuses qui organisait bah, des soirées Dub aussi à l'Apollo, une fois par mois. Daouya. Ah, voilà, c'est évoqué de Lille aussi, quoi. Si tu es de Lille. À pas se tromper de bar, c'est une copa effectivement qui organise des concerts de Balapolo. Et il y a effectivement un certain nombre de sound systems qui se développent. Les Black Mountain Selection qu'on a nous reçu ici dans cette émission pour justement faire un peu de promo sur les sound systems qui faisaient le samedi soir. Ça se passe à Can Cadena. Maintenant, on ne sait pas très franchement comment ça va se passer pour l'avenir parce que je crois que la salle a quelques problèmes de fermeture et compagnie, mais ça c'est un autre souci. Donc effectivement, les sound systems qui eux considéraient que ici à Barcelone, certes ça se développait, on parlait beaucoup de reggae, mais c'était pas encore vraiment les soirées qui étaient les plus importantes ici à Barcelone. Bah, si je compare par rapport à la France, et à chaque fois que je rentre en France, je me prends une claque quand je vois qu'ils ont, tu vois, il y a deux magazines qui sont là, il y a Natty Red, exact. Raga Magazine, tu passes. Je sais pas, t'entends, ils ont les sonneries de Sean Paul sur leur mobile avec. Exactement. ils ont, enfin, tu vois, des pubs pour des albums, des compil raga, tu vois, à 20h et tout. Ouais, mais justement, ça allait. Ça avançait. Et si je regarde, moi, quand je suis arrivé ici à 6 ans, c'était donc vraiment bourgeonnant ici. Et je suis content, voilà, ça, je pense que ça prend une bonne direction. Au début, c'était pas mal de soirées, tu vois, dans Casa Ocupa, d'ailleurs, qui vraiment, je dis un big up à tous les Casa Ocupa, tu vois, qui donnent et qui continuent de donner l'opportunité à beaucoup de gens de jouer. Exact. Parce que ça se fait de plus en plus difficile. Et après, on a vu donc un peu toutes les formations devenir un peu plus sérieuses et prendre chacun aller un peu dans un style différent. Donc, chacun prend des directions un peu différentes. Il y a Bingy qui est jamaïcain, plus Jamaica FM, tu vas avoir One Blood. Qui est un peu plus raga. Chacun commence à attirer un peu plus dans sa direction, et je pense que le public aussi commence à comprendre que c'est pas seulement musica reggae, mais qu'il y a du dancehall, il y a du roots, il y a du rabadub, et il y a un énorme panorama. Tu parlais il y a quelques minutes de Sean Paul. Sean Paul qui a lui aussi changé un petit peu de direction. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Sean Paul, qui est rentré dans l'esprit très américanisé, très style, très fashion dans l'esprit. Voilà. Donc c'est plus exactement tout à fait le reggae qu'il avait commencé à faire au début. Toi, tu en penses quoi, toi, en tant que... Sean Paul, moi, disons que déjà, c'est pas un artiste dont j'achèterais les disques, quoi. J'écoute parce que c'est l'actualité du reggae, c'est ce qui se passe. Mais bon, pour moi, je dirais que je le qualifie même assez dans une autre catégorie, tu vois. C'est pas vraiment le reggae que j'écoute, quoi. Justement, tu parlais tout de suite de toutes ces compiles un peu, parce qu'il y a quand même un milieu commercial peut-être un peu plus en France où là ça part dans tous les sens, qu'on parle de compiles reggae raga, mais il y a eu une flalanquée de compiles à une période, je crois il y a 3 ans, c'était du n'importe quoi. Hein. Si tu veux, il y a peut-être eu, effectivement, là tu le disais aussi, au niveau du genre musical, on parle beaucoup de reggae, on a aussi beaucoup parlé de raga, quand on parlait des sound systems, et on a vu effectivement beaucoup de compiles sortir là-dessus, ça devenait très dancehall, donc associé peut-être un tout petit peu au R&B aussi. Et là, je crois qu'il y a aussi un mélange de tous les genres musicaux, et les gens ne savent plus vraiment de quoi il s'agit quand ils entendent parler de sound system, est-ce qu'ils pensent au R&B, est-ce qu'ils pensent à la dancehall. C'est l'amalgame que peuvent effectivement faire. Moi, je suis parisien, et en tant que parisien, je faisais des sound systems, et j'étais très proche des gens qui organisaient des sound systems. Et c'était un petit peu le complexe des mecs qui se retrouvaient derrière les platines et qui faisaient des soirées, qui se retrouvaient derrière des minots qui avaient effectivement les portables avec Sanry, Sean Paul et compagnie, et qui ne correspondaient pas exactement au public qu'ils attendaient. Et en tout cas, le public ils voulaient voir ce genre de public. Ils veulent que le public soit éclectique et que les gens se retrouvent, comme tu disais, pour passer un message et que ça soit dans un esprit festif et pour écouter du son et puis éventuellement essayer de faire passer des messages de paix, de respect, etc. Et c'est vrai que le public se mélangeait de plus en plus. C'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai qu'il y a eu un amalgame au niveau des genres musicaux et qu'il y a un certain nombre de publics qui se retrouvaient dans des sous-systèmes et qui n'avaient pas franchement leur place et qui savaient pas exactement ce qu'ils foutaient là au non plus, je pense. Et on va en parler justement parce qu'on va recevoir la caution tout à l'heure. Uh-huh. Un peu le même problème dans le hip-hop et le rap, quoi. Tu vois, en France, on voit le côté médiatique, il y a un peu là. Les gens sont perdus, tu vois des puristes du Plora qui écoutent du reggaeton de Dove avec des meufs dans les clips et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, les gens ils vont voir un groupe de rap et ils sont déçus parce qu'ils s'attendent à avoir des trucs ultra commerciaux aussi. C'est du n'importe quoi, mais bon, là c'est vrai qu'on divague un peu là-dessus. Non, mais c'est un temps, on vit dans un temps de confusion, je pense. Tu vois, il y a des confusions pour beaucoup de gens, autant pour les artistes pour le public. Donc, c'est clair. Et justement, Sean Paul ne fait pas forcément partie des exemples à suivre dans ce sens-là, puisqu'ils se sont beaucoup développés, qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de Sean Paul dans les radios dites commerciales nationales, et qui sont diffusées, et que c'est dans l'unique but de faire du commerce, peut-être. Et sa musique, en tout cas, lui a servi à ça. C'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu plus critiqué dans ce milieu qu'ailleurs. Toi, t'es référent. Donc tu disais en matière de reggae là aujourd'hui, Junior Delgado, Johnny Osborne, Jashaka, Davy Rootsman. T'as un Skedam Fidé quand on écoute tout ça là. En tout cas, il y a de l'enthousiasme quand tu dis ça. On sent que t'es passionné, ça fait vraiment plaisir. Le petit fly, ça se passe donc tous les deuxièmes jeudis du mois. Ouais, exactement. On en parlait à la salle Bigoud, juste en face de la Macabra. C'est près du Rasmatas aussi. Près du Rasmatas. Métro Glorieuse. Métro Glorieuse ou Marina, ça dépend. C'est sur la ligne 1, la rouge. C'est pas très très loin. Ça va se passer donc jeudi à partir de minuit et ce jusqu'à 5h du matin. 5€ avec conso pour écouter du son, du reggae, du raga. Le seul souci. Ah, pas de raga, que du reggae. D'ailleurs, du reggae et du dub, parce que c'est dub meeting, attention, c'est la rencontre du dub. Alors, le seul souci, c'est que là, t'es en train de me sortir des vinyles, et malheureusement, avec toutes mes excuses et la haute direction de Contrabanda ce jour à moi pour m'excuser, mais la platine va pas fonctionner aujourd'hui. Voilà, c'est un gros souci. Si t'as envie de chanter, c'est du live en direct. Si t'as envie de le faire. Toi, concrètement, derrière les platines, tu tchatches, comment ça se passe exactement? Alors, donc, nous, c'est un petit peu spécial parce qu'il y a qu'une seule platine. Ouais. ouais. déjà. Donc c'est une seule platine. On joue pas mal avec les échos. Avec il y a Dany qui est avec nous qui joue du mélodica. Ouais. On a fabriqué donc des sirènes de dub, tu sais, sûr, à partir de pro. J'ai chopé des plans sur internet. Et donc c'est bien de voir qu'il y a plein de collaborations aussi qui se font à droite à gauche autour de ça. Et donc nous c'est une platine donc un seul disque. Et ouais, effectivement, on parle entre les deux, où tu vois on joue souvent ce qu'on appelle des chapitres, quoi. Donc on va d'abord la version chantée. Après, on aura le chapter 2, tu vois, avec le dub. Et après, le chapter 3, tu vois, avec un dub encore plus, avec un mix encore plus fort. Et donc, au-dessus, on va rajouter les échos, voilà, on va rajouter les sirènes. Et on va, pète à la fin. Il y a les MC qui viennent chanter. Il y a des gens qui parlent aussi, des fois. Enfin, les gens, ça tient du son, quoi, un peu, qui explique. Et non, et je pense qu'on a c'est une bonne vibe. C'est différent, si tu veux. C'est pas du tout la soirée où tu vas entendre de la musique A à Z. De temps en temps, il y a un petit blanc, de temps en temps. Et alors, au début, les gens réagissent, mais attends, il n'y a qu'une seule platine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème technique et tout. Tu dis, non, et puis petit à petit, tu vois que les gens, ils commencent à apprécier parce que ça crée une espèce d'attente. Tu vois, tu mets un morceau et puis t'as un petit blanc de 2 secondes. Tu dis, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois, ça laisse aussi un temps pour les gens de s'exprimer. Tu sais, s'ils sont contents ou s'ils ont envie de crier un truc, ils peuvent le faire à ce moment-là aussi. Puis le dub, c'est artisanal, non, à l'origine. Voilà, ah, c'est pas un produit plastique terminé, voilà. Brillant. Quoi. Donc le fait de jouer avec une platine, c'est volontaire, c'est pas un souci de technique, de non, matos. Non, c'est volontaire. Ouais, le matos, c'est vous qui avez choisi justement d'avoir un aspect et comme ça. Je pense que vraiment là, avec ça, ça donne une vibe vraiment différente, quoi, d'avoir... Effectivement, ça paraît plus clair. Et en tout cas, nous, on sera là, évidemment, jeudi. Merci. On espère bien, c'est clair, on est curieux, on va voir ce que ça donne. Hein. Et donc, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que pour cette session-là, on a des amis qui viennent, un autre son qui nous vient des montagnes. Donc exact. C'est Lion U Tie-Fi. Et alors, eux viennent donc avec un autre morceau de kit qui nous manque encore pour le sound system, c'est le prochain investissement. C'est un préampli Jatobiz, en fait. Donc un préampli, c'est un peu une super table de mixage. C'est des projets custom faits à la main. Donc il y a peut-être 3 gars qui font ça en Angleterre. Donc c'est des super tables de mixage préparées spécialement sur les fréquences du reggae. Donc pour booster les basses ou alors pour couper vraiment tout ce qui est les médiums et les aigus et tu restes avec une ligne de basse, tu sais, absolument clair. Quoi. Et donc ça devrait rajouter un petit piment de sel à la session. Le collectif qui vient, c'est un collectif français aussi qui rejoint là-bas. Des montagnes, alors explique-nous, ils habitent où? Parce que des Français, des montagnes, je sais pas. Alors ils habitent près d'Annecy et tout ça, en fait. Ah oui, d'accord. C'est des gens avec qui vous avez déjà collaboré en France ou pas du tout? Non, c'est un ami en fait qui anime ce son-là. Avec Jatom et Drix Farai. Et donc, on leur a demandé si ça les intéressait de venir faire une session. Bah, c'est aussi ce qui se passe, c'est qu'on aimerait bien faire venir, des grands artistes, tu vois, ou faire venir des MC anglais. Mais il n'y a pas beaucoup de sous à faire dans le business, quoi, pour le moment. Tu vois, il n'y en a aucun de nous qui vit du son, tu vois. Bon, on a tous un boulot à côté. Bah oui, c'est ce que tu disais, en fait. Toi, t'es venu ici à Barcelone, non pas par hasard, mais parce que t'avais l'opportunité. Parce que j'avais un boulot déjà, et tous les gars qui sont dans le crew, ils ont tous un boulot à côté. Donc le reggae, tout ça, et les soirées, c'est uniquement par passion de la musique. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous demandez aux gens de venir vous rejoindre le jeudi. Absolument. Par passion de la musique. Barrington Levy, ça te branche? À fond. Yaricom, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai vu en concert. Lui aussi très américain dans son style et dans sa façon d'être, mais au niveau du son, ça reste du reggae, du très bon reggae. Un grand monsieur, un artiste super versatile. Et j'adore. Il s'appelle Barrington Levy, Yaricom, ça se passe ici sur Radio Contrabanda dans un petit quart d'heure, ce sera la caution dans les studios. 91.4, c'est la fréquence pour laquelle vous nous écoutez, sinon c'est le www.contrabanda.org. A tout de suite. So later she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Shoodly waddly diddly woodly diddly whoa. Sweet, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that sing DJ and blow. Pull it down and get it, yo. Swing on the intercom, Rosie, tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, and I'm gonna see your son. So I grab a bunch of food and I started to run. Here I come. come and get your son, cause I don't want your baby to come. Tie me down, I got you, I old, and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna add some fun, run me down. Shoodily whack, boom, boodily diddly, whoa. Sing, extra size, extra size, extra size of them size way. Extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom, Rosie, tell me to come. Cause she didn't have a dot, that she did have a son. Here I come. Shoodily whack, diddly, diddly, diddly, whoa. Sing, cause I'm broad. She did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come. Tie me down, that cause you are old and I am young, young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodily whack, boom, boodily diddly, whoa. Swing, cause I'm broad. Tous les lundis à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h30. Los Gabachos Banda, votre programme français. Yeah. Et en attendant, c'était notre ami Barrington Levy en compagnie de Lionel pour sa soirée dub qui va se passer jeudi prochain au Be Good. Au Be Good. Au Be Good. Ça se passe Metro Marina sur la ligne 1. Ça sera la ligne rouge à suivre. C'est en face du Rasmatas, pas loin non plus de la Macabra. Ouais. C'est 5 euros l'entrée. C'est pas cher avec une conso. C'est de minuit jusqu'à 6h du mat. Il y a de quoi faire. Et c'est plein de bonnes vibes. Et c'est plein de bonnes vibes. Du gros son. Et tu parlais de, donc du groupe français, mais il y a un autre groupe alors. C'est bien ça. Hein. Il y a, du, voilà, il y a plusieurs on choses. Est, on est deux sous le système. Voilà, on aura tous sur notre son à nous. Ah voilà, donc c'est ça. Sur le son de Leones Humildes. Mais il y a un autre collectif qui vient, donc ce sera Robin et Jatom. Ouais, bah nickel, donc on aura l'occasion de te voir aussi. Voilà, allez, platine, on sera au tout contrôle, ça. Voilà. Bon, parfait, nickel. Et bah ouais, bah franchement, ça fait plaisir. On regarde la petite horloge, ouais, 15 petites minutes, il faudra redescendre, faire un petit tour, chercher la caution. Et ouais, événement. La caution qui arrive, la caution que vous avez eu l'occasion peut-être de voir en concert, ça s'est passé samedi soir dans le cadre du festival Urban Funk. La caution, un groupe charismatique du hip-hop français en ce moment, qui a eu l'occasion de faire parler d'eux pendant la bande-annonce du film de Ocean 12. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup parlé de la caution. Et puis pour différents albums, puisqu'ils viennent de sortir en octobre dernier un deuxième album, un double album. Et qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs, on diffusera, ils vont nous chanter des trucs en direct, ils vont nous parler un petit peu de leur petite vie, la raison pour laquelle ils se sont retrouvés ici à Barcelone, et la raison pour laquelle ils vont être amenés aussi à repartir en France dans une tournée au Maroc, et puis à Berlin en Allemagne, ils vont faire plein de belles choses, la caution que vous ne connaissez certainement peut-être pas assez, et que nous on va se tenir d'ailleurs au courant de tout ce qui, de toute l'actualité, puisqu'on a envie de diffuser le plus souvent possible. La caution qui arrive donc dans 10 petites minutes ici sur Radio Contrabanda. Si vous avez un message à faire passer aux voisins, c'est celui de cette émission, 21h30, 23h30, sur le 91.4 et sur le www.contrabanda.org. Los Gabachos. Et ouais, c'est nous, et ça fait plaisir. Un autre français, hein, Lionel, et qu'on a première fois qu'on te reçoit, bah ça fait plaisir. Ouais, parce en fait, c'est marrant parce que tu vois que toutes les têtes, tu les connais, tous les français, tu les connais. Et tu t'aperçois que Barcelone. Gabacho Connection. Voilà, Gabacho Connection, et d'ailleurs, tu t'aperçois très vite que Barcelone est un grand village. Ouais. Tout le monde se connaît. Les sound systems au Be Good, avant de les faire là-bas le jeudi, les deuxièmes jeudis du mois, vous aviez déjà une salle, vous faisiez déjà Non, en fait, c'était un peu le problème qu'on avait, c'était à chaque fois de devoir trouver un nouvel endroit, faire la promo d'un nouvel endroit, expliquer aux gens tout ça. Et l'été, en fait, ce qui se passait l'été dernier, on a eu pas mal de dates en plein air, donc au Fiestas de Sants, au Fiestas de Poble Sec, et donc on va très certainement répéter ça cette année. L'été dernier, on avait fait venir un son de Lille aussi, Shelly Sound System. C'était vraiment on nous en avait parlé de cette histoire-là. Ouais. Ouais, ça, c'était vraiment une belle tout, session. Quoi. Et sinon, ouais, tu parlais des lieux, tout ça, faire jouer en plein air, les chiringuitos à Barceloneta, ça vous a pas intéressé? Bah, les chiringuitos à Barceloneta, nous, après, le problème qu'on a, c'est le volume tout de suite. Quoi. Moi, je suis allé jouer une seule fois l'été dernier, avec un gars qui s'appelait T, un Écossais, qui était vraiment super sympa. Il a fait un bon boulot d'un peu de réunir tous les gens qui aimaient bien le reggae on allait passer à jouer des disques sur le petit son de la Barcelona. Bah oui, à la plage. Mais bon, les gens, ils sont pas là pour écouter du gros dub. Ils sont là pour écouter. En même temps, c'est bonne idée de faire ça. C'est bonne idée d'associer la musique à la plage. Moi, je trouve ça mortel. Ah bah c'est de la dub à la playa. Franchement, c'est bien reposant. Ouais, ça. Moi, je serais le premier à y être. Alors, le truc, la bonne idée qu'ils ont fait ici, c'est qu'effectivement, chaque case correspond à un genre musical. On est d'accord. C'est-à-dire que quand tu vas à Barcelona, effectivement, t'as du dub, t'as du reggae, etc. Et sur les cases d'à côté, tu peux avoir de l'électro, du pop, du rock, et tu choisis en fonction de ton son. Si t'as pas envie d'écouter du son, tu vas encore plus loin sur la plage. Mais j'aime bien l'association d'idées plaisir et détente avec la zik. Je trouve qu'en fait, voilà, l'initiative est bonne. Alors si on peut te retrouver sur la playa tous les jours à partir du mois de juin, avec plaisir. Hein, ah, va bien. Si on va parler à Monsieur Klaus, je suis sûr qu'on va arranger quelque chose. On va parler avec lui directement. Ouais. C'est qu'il nous écoute beaucoup, il écoute cette émission, c'est un grand fan. Ils sont courts. On va lui raconter tout ça, on lui dira. Et les sound systems comme cela, tu parlais des Casa Ocupa qui se développent et grâce auxquels vous pouvez justement diffuser. Les Casa Ocupa qui se développent, ils leur ont pas mal tapé dessus quand même sur les dernières années. Il y a un nombre incroyable de locaux qui se sont fermés, donc l'atelier. La Macabra dont on parle beaucoup aussi en ce moment. La Macabra qui a aussi des gros problèmes en ce moment. Ouais. Et je pense que c'est complètement dingue parce qu'ils appuient. C'est pourquoi les gens ils vont là le samedi soir et pourquoi est-ce qu'ils montent les soirées là? Parce qu'il y a une vraie nécessité. Quoi. Tu exact, c'est clair. Tu peux pas appuyer sur ces gens sans relâcher, appuyer sans donner un petit peu de l'autre côté. Quoi. On est d'accord. C'était où le temple? Tiens, justement, on parlait des sound systems. Toi, Lorenzo, tu y allais souvent. C'était en haut de Gracia. Là, comment ça s'appelait ce squat déjà hyper connu qu'ils ont rasé? Guinardo. Guinardo. Alors là, le squat de Guinardo. Parlons-nous un peu de cette époque-là. Le Guinardo, il tourne encore en fait, le Casal du Guinardo. Et à côté, il y avait un autre qui s'appelait le Resplendor, je pense. Donc c'était le collectif One Blood qui ont pendant un moment ils ont animé. Et c'était vraiment bien de leur part aussi, parce que tu vois, une fois qu'il y a un collectif qui a un local, de pas dire on va le garder juste pour nous. Donc ils ont offert tous les vendredis soirs, c'était porte ouverte en fait aux autres collectifs de la ville en fait. Mais tu te rends compte que vraiment trouver un endroit maintenant pour jouer, où tu trouves la Casa Ocupa, où tu es obligé de monter la fête à l'Apollo énorme avec ticketterie, avec le fond, avec la thune, avec tout ce qu'il faut, il n'y a plus vraiment d'intermédio. L'esprit alternatif est pas vraiment, n'existe plus vraiment. Ça devient difficile. Quoi. Et puis alors, donc, tu te dis, ok, on veut bien dealer avec l'ayuntamiento, on va le faire proprement avec vous, avec autorisation, monter les assos et tout. Et après, tu te rends compte que ça devient super formaté, que tu commences à avoir du contrôle, que tu commences à... ça perd un peu de sa saveur. Quoi. Éternel problème. Voilà. En tout cas, sache que nous, on sera là. Il va falloir descendre pour aller chercher nos amis de la caution qui vont nous rejoindre dans les studios pour terminer cette émission en beauté avec nous. Toi, tu vas rester bien sûr avec nous, Lionel. Yes. T'es bienvenu. Les portes sont ouvertes. Ton micro t'appartient. Si t'as envie de tchatcher, tu tchatches. Si t'as envie de balancer des sons, tu balances des sons. Malheureusement, comme je te disais hors antenne, la platine vinyle ne marche pas. Donc, une prochaine fois. Je suis vraiment désolé. Tranquillité. Voilà, on fera en sorte que la prochaine fois ça fonctionne pour écouter tout ça. Du son d'ailleurs de France. Tu peux nous rappeler le nom du groupe dont t'as acheté le vinyle il y a pas trop longtemps? Dub Addict. Et c'est Fools Policier. Big tune. Je ne vais pas te dire. Oh, mais en tout cas, ça fait un méga carton. Hein. Ouais, ça fait en un France, méga carton. En ce moment. Et donc, en fait, le son, en fait, il y a Chaka qui l'a joué une fois. Et donc, c'est un peu comme un saut pour qu'il te valide ton tune, quoi. Tu vois, une fois que t'as Chaka qui t'a joué, le papy qui t'a joué ça sur sa sono, c'est bon. Là, c'est plus facile. C'est clair, c'est plus facile. On écoutera tout ça. Nous, on va se retrouver dans un tout petit instant, le temps de descendre, de chercher nos petits invités qui reviennent. Et de remonter aussi. Et de remonter d'ailleurs, oui, parce que je sais que tu fais du sport le lundi, toi. Ils sont où les escaliers? Souvent le soir, mais pas que le lundi, Lorenzo, t'inquiète. Ouais, ça après, ça me regarde pas. C'est des histoires qui ne me regardent pas. Mais effectivement, tu montes et tu descends. J'espère que ça se passe aussi pendant la semaine et pas forcément que le lundi. Et non pas forcément que dans des escaliers, mais ça tu nous en parleras plus longuement un de ces jours. On fera une petite interview perso. Les vestibules, Lorenzo, je t'en parle pas. On revient dans un tout petit instant, vous êtes sur Radio Contrabanda. Lionel, tu restes avec nous, ta soirée on va l'annoncer et la réannoncer, ça se passera jeudi donc au Bigood à partir de minuit. Jusqu'à 5h du mat. Jusqu'à 5h du mat, 5€ avec une conso, du reggae, c'est ce que vous entendrez. La passion pour la musique, c'est la raison pour laquelle vous êtes invité à participer à cette soirée. On revient dans un tout petit instant. Et tout de suite, Radio Contrabanda. La caution, la caution. Caution, ils arrivent. Fall in love again. To me it will be a pleasure. If you don't take sit up in a the Rasta mansion. When you're out of love, remember that you are alone. It's like a fish out of sea, like a dog without bone. This time the love will last forever. To hurt your heart, I will never. No matter the change of time, no matter the season, no matter the weather, I will be there, cry on your shoulder. And when I fall in love, there will be no other. Monkey, you and me. You see that? In this soul wide world. You hear that? But if I should fall in love again, to me it would be a pleasure. And why? If it don't take all my letters away. So when I fall in love, it will be forever. Cause I'll never ever fall in love again. Tell Uncle Sam, who a fire who say that careful son. No for them go bow and a blaze your tongue. How give them the knowledge, who sketch them plan. You have a conscience, they know right from wrong. What a calamity, what a bam bam. Watch it make me trample the Ku Klux Klan. No for them a dance and them don't know this song. Something no right, something no wrong. Yes, me know it written in a revelation. Say, it a go red, red, red. Now the ammo get the yam, yo. Che, if you know know where you stand. Hey, red, red, red, go tell the Queen of England. No, she fist up when we start the mission. Yes, it's a go red, red, red. Now the ammo get the yam, yo. Che, if you know know where you stand. Well, red, red, red, go tell the boy Uncle Sam. More fire, who said that, yo. Tell them go clean up them mess. No for them a kiss with back, they pick a rest. No for them a put the wrong thing on the dress. Take off the big dirty grass off of your chest. Burn a cigarette, give me the high grade sex. Go away with your meat, eat me not digest. Who no know the truth, better start confess. The king is coming from the east, couldn't be the west, lad. Cause it's a go red, red, red. Now the ammo get the young, yo. Che, if you no know where you stand. Hey, red, red, red, go tell the Queen of England. Oh, she fist up when we start the mission. Cause it's a go red, red, red. Now the ammo get the young, yo. Che, if you no know where you stand. Red, red, red, me want you tell Uncle Sam. Pour fire from the Kalachi gang. Long time the youth, them a ball, but them not listen. To them know them up a plan to send them go prison. All who are do wrong, you know they will not be forgiven. Cause they work where them a do, it was other than all the devil. So come make we go clean up corruption now. To Babylon system, you know we not bow. Years after years, them a say we be a girl. How them expect we be reap where we sow. Cause it's a go red, red, red. Now they am a giddy and yo. Dread, if you not know where you stand. Hey, red, red, red, go tell the Queen of England. Oh, she fist up when we start the mission. Cause it's a go red, red, red. Now of the arm of Gideon, yo. Straight red, red, red, you don't know where you stand. Red, red, red, go tell the Queen of England. No, she fi stop when we start the mission. Cause it a go red, red, red, in the arm of Gideon, yo. Straight red, red, red, you don't know where you stand. Boy, red, red, red, me why you tell Uncle Sam. Oh, fire, who said that careful son? No, for them go bow and I blame Satan. Who give them the knowledge? Who sketch them plan? You have a conscience in what right from wrong. Gotta follow me. Well, police are fire, cop a shot and man a fire lead. Police are soldier, come on, them a run the place red. Police are fire, cop a shot and man a fire lead. Police are soldier, come on, them a run the place red. Silent tribulation every day. That's all the gunshot it can bring. Cause every day that man get up another ghetto you dead. When the mother stop the gun killing, tell them for not down the fence and leave negligence. Feed the youth them talent, give them more confidence. We want more silence and less violence. See the youth them progress, they must see when we protest. So police a fire, cop a shot and man a fire lead. Police a soldier come and them a run the place red. Police a fire, cop a shot and man a fire lead. Police a soldier come and them a run the place red. Now the ghetto youth them get wiser. We praise the Almighty, yes, him and we advisor. We keep the faith strong, he not the sole provider. To the leaders of the cabinet, no war we prosper. Them lock we up, like we are one murderer. See they can no plan, not them to build a no structure. Because we know we not gonna live your forever. Because police are fire, cop a shot and man a fire lead. Police are soldier come and them a run the place red. Police are fire, cop a shot and man a fire lead. Police are soldier come and them a run the place red. Why know you a walk, you better secure your head. Don't you know they get enough things that run red. Watch out for the police, you feel watch out for the feds. Don't you know they get enough things that run red. Some of them a walk with a lithium infrared. Mumma run for paraffin. Kill over fence. How them man so wicked make pure shot commence. One the youth them figures violent talents. Police a fire cop a shot and man a fire lead. Police a soldier come and them a run the place red. Police a fire cop a shot and man a fire lead. Police a soldier come and them a run the place red. Silent tribulation every day. That's all the gunshot it can bring. Cause every day that man get up another ghetto youth dead. When them a go stop the gun killing, tell them fi not down the fence. And leave negligence, free the youth, them talent. Give me more confidence, want more silence and less violence. Free the youth, them progress, they must see when we protest. Police a fire, cop a shot and man a fire lead. Police a soldier come and them a run the place red. Police a fire, cop a shot and man a fire lead. Police a soldier come and them a run the place red. Now they get to you, them get wiser. Praise the Almighty God, him and we advisor. We keep the faith strong in our this whole provider. To the leaders of the cabinet, now while we prosper, like we are, like we are one murderer. Tell them to change them plan and them structure. Now we know we not gonna live ya forever, forever. Sure, we not gonna live ya forever. Because police are fire, cop a shot and man a fire lead. Police are soldier come and them a run the place red. Police are fire, cop a shot and man a fire lead. Police are soldier come and them a run the place red. Mind know you are what you better secure your head. Don't mean they get on no things are on red. Man, them have the 45 push under them bed. Warn you feel they said that things are on dead. Lisa fire cup a shot, man a fire lead. Man them have the 45. I don't care what your mama say, and I don't care what your papa do. Cause all I've gotta give is love to no one else but you, yeah. Though it seems like a waste of time, but I'll search until I find what I've been searching for. Just gotta make it mine. Cause maybe I do believe that miracle come true. It's all up to you. And I know love will find a way. It happens every day. Maybe I do believe that miracle come true. It's all up to you. And I know love will find a way. It happens every day, yeah. Maybe I'm sounding negative, but without your love, I don't wanna live. What's the purpose of life without you by my side? Can't you see what I'm going through? Don't believe that I'm blaming you. Just gotta let you know. Can't you see your shows? Cause maybe I do believe that miracles come true. It's all up to you. And I know love will find a way. It happens. gonna come, come true. It's all up to you, and I know love will find a way. It happens every day, yeah. Sometimes I feel like I'm insane, crazy. Your confusion in my brain, but I keep holding on until the end of time. And if it takes a thousand years, I know my love won't disappear. I'll be waiting here until it comes to me. Baby, I do believe that miracles come true. It's all up to you, and I know love will find a way. It happens every day. Baby, I do believe that miracles come true. It's all up to you, and I know love will find a way. It happens every day. Na na na na na na na na na. Yeah. Passe tous les deuxièmes jeudis du mois au Bigood, en face de la Macabra, métro Marina, à partir de minuit jusqu'à 5h du matin. C'est 5€ l'entrée, c'est une conso, c'est du roots, c'est du reggae, et ça se passe avec notre ami Lionel, qui est toujours dans les studios, mais avant tout, ils nous ont fait le plaisir d'être là ce soir, et le plaisir de rester surtout en Catalogne pour profiter de la bouffe, parce qu'ils adorent la bouffe catalane, et ça nous fait bien plaisir de les avoir dans les studios. Alors, il s'appelle La Caution, bien sûr. Vous avez eu l'occasion de les voir dans le cadre du festival Urban Funk. Et puis, dans cette émission sur Contrabanda, c'est une grande première. Ils hallucinent un petit peu des locaux. C'est comme à la maison ici, les gars. Vous vous servez d'ailleurs. Il y a des verres. Faites-vous plaisir, les mecs. Vous vous servez. Ouais, vous êtes à la maison, tranquille. Vous sortez. Ça va, tranquille? Vous digérez bien? C'est bien passé, la bouffe? Hein? Vous digérez. Alors, je vais présenter. Je vais faire les présentations. Il y a Nick Fury que j'ai en face de moi. Yes. Hein, Monsieur Caution, donc avec le frangin qui est pas loin non plus, ouais, que je vois pas beaucoup parce qu'il y a une petite platine qui nous cache tous les deux, mais voilà, on entendra ta douce voix sensuelle qui est la tienne. D'accord, ouais, il est là. Et je vais la faire comme ça pendant une heure et quart, les mecs. Hein. Attention. Ouais, on a Saphir aussi, quoi, qui est là, avec sa casquette sur la droite. Toute la team Fab aussi, Fab, dans le quartier, dans la place aussi. Ça va, Fab? Ça va bien. Ça s'est bien passé samedi? Ouais, tranquille. Tranquille. Bon, ouais. Alors, on en a 4 dans les studios, on en a 4 assis, mais il y en a un de vous. C'est Saïd qu'on entendra tout à l'heure aussi, un des piliers du groupe. Il ne faut pas zapper, même s'il est dans le coin. Ça va, Saïd? Ouais. Tout va bien? Ça vient manger aussi, tranquille ou quoi? La bouffe était pas bonne? Vive l'Espagne. Hein. Vive l'Espagne, vive la Catalogne. Ah, vous voulez bouffer catalan, vous allez. Voilà, il y en a. Je sais qu'il y en a certains. T'as mis combien de temps à t'adapter? Moi, à la bouffe? Ouais. Franchement, ça fait 6 mois que je suis là, je suis toujours pas adapté. Ouais. Mais j'ai du mal, franchement, j'ai vraiment du mal avec la bouffe aussi. Hein. Ouais. J'accroche pas des masses. Ah, enfin, d'ailleurs, faudra penser à bouffer le réseau. Ouais, un de ces jours. C'est quoi que tu vas écouter ton émission là si tu parles trop mal de. Ah, t'inquiète, nous on parle en français, ils comprennent rien, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que tu te réveilles la vérité, un truc qui, par exemple, pourrait me manquer, par exemple, si j'habitais là, c'est tu te réveilles le matin, je sais pas si t'as vu, on a pris un café croissant. Ouais. C'est, oh là là, tellement différent. Tellement, ouais. Hardcore. Ouais. Mais il y a des avantages. Hein. D'ailleurs, on va vous écouter là-dessus, votre délire barcelonais, un peu, vous avez ouvert vos grands yeux. Il se passe des choses ici, quand même, dans la rue, dans la cahier, les gars. C'est le premier passage de la Caution sur scène. Ici, moi, j'étais HS pendant 2 jours. fatigué, ouais. T'as pas vu grand-chose, mais en tout cas, c'est ça, grave, de toute façon, ça s'est relativement bien passé samedi soir. Alors, ouais, c'était cool, ça s'est bien passé. Découverte, quoi. On n'est jamais venu en Espagne, en tout cas. Dans le cadre de notre taf de concert, etc. C'est vrai qu'on c'est la première fois, donc les mecs découvraient. Apparemment, eux, le rap est pas forcément un truc hyper implanté en Espagne. Ici, ouais. Il ouais, y a donc, des trucs sympas, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà. Moins qu'on va pas d'âme. Petit à petit, c'est vrai que nous, on fait déjà figure d'avant-gardiste sur Paris. Arrivé en Espagne, je pense qu'on est peut-être pas le groupe parfait pour faire découvrir le rap français en étant déjà avant. Ah ouais. Mais en même temps, dans un sens, ils aiment bien les trucs électro. T'as plein de gens qui aiment bien les trucs électro. Donc je pense que la passerelle, elle peut grave le faire. Et justement, voilà, nous, nos titres dégagent de l'énergie. Donc quoi qu'il arrive, même s'ils comprennent rien aux lyrics, on arrive à accrocher quelques personnes via l'énergie. Donc c'est cool, quoi. Bah, nous, on confirme, puisqu'on était aussi dans la salle samedi soir. Mmh. Et en tant que Français, Gabacho, c'est comme ça qu'on parle des Français ici à Barcelone. C'est un peu péjoratif, mais c'est un peu le titre aussi de cette émission. C'est les Gabacho. Vous avez certainement dû entendre Gabacho parce que les Français les appellent comme ça ici. Ouais. Mais en même temps, on est tellement fiers c'est avec clair. Gabacho. Et en tout cas, respect, les gars. Respect. Et première partie de la Soul quand même. Mortel. C'est clair. Et en fait, ça prouve bien aussi la référence musicale d'un public que vous connaissiez pas, puisque le public catalan est un peu difficile. Ça, c'est bien connu, les gens le connaissent. Et, ce qui s'est passé samedi soir, ça s'est plutôt bien passé. Nous, on était dans le public, vous étiez sur scène. Je pense que vous avez eu aussi une bonne impression, non, par rapport à la façon dont ça s'est passé. Ouais, nous, en règle générale, c'est vrai que on a fédéré sur les quelques années de travail, de tournée, etc. Fédéré pas mal de gens sur les concerts, donc. A priori, si on s'arrêtait juste au niveau du ressenti, ce truc, on se dirait c'est cool, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on a des morceaux tellement qui peuvent foutre la merde à un endroit que des fois tu te dis ah merde, c'est un peu dommage que sur un morceau comme Je te hais, tu vois, qui est tellement patate, tu vois. Des gens qui applaudissent, pas de problème, ou qui bougent la tête un peu, mais non, normalement tu dois sauter comme un dingue sur ce genre de truc. Que ça soit des mecs ambiance électro ou hip-hop, peu importe, tu vois, le trip. Et a priori, après, en voyant que De La Soul, on a fait exactement le même truc à Lyon, où on est passé avant De La Soul aussi, en voyant que même De La Soul sur leur set. Arriver à voir, en fait, comme tu dis, on a compris directement que c'était quand même un public assez difficile, Barcelone, et donc qu'il fallait vraiment non seulement y aller à l'énergie, mais que l'idéal pour eux c'était de tout capter, de se sentir représenté dans le truc. Comme il peut y avoir dans le rap français une grosse partie des gens qui ne vont écouter du rap français que parce qu'ils se sentent représentés dedans. Si par exemple y a tel groupe qui parle plus des Caraïbes et que je suis guadeloupéen, je vais aller voir ce groupe si c'est un rebeu. Il n'y a pas le truc de. Il n'y a pas d'association. Et nous, comme on n'est pas du tout là-dedans, nous les gens qui écoutent La Caution sont pas forcément. Tu vas avoir vraiment de tout, quoi. De tout. Et au niveau du délire, les mecs dans quel trip ils sont, et au niveau de l'ethnie, entre guillemets, tu vois, il y a vraiment de tout. Donc nous, on est habitué vraiment à ce que les gens viennent à la musique pour la musique, et pas parce que le mec, voilà, il a le même vécu que nous, c'est vrai que de toute façon, il en faut pour tout le monde, quoi. C'était un peu ça, hein. D'ailleurs, vous étiez premier à dire que, voilà, sur la scène en plein air qu'il y avait à l'Urban Funk là-bas, c'était vraiment paisible, à la cool, bon feeling quand même. C'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer un public bien peinard, et différent sur le soleil, tout ça. Non, c'est clair. Après, ouais, le soleil, ça change tout, hein. Mais d'accord, hein, ça joue sur l'état d'esprit, hein. Ah bah oui, c'est clair, hein. Les gens sont plus cool, plus détendus, c'est un peu ce qui s'est passé. Pour en revenir brièvement juste pour La Caution, c'est 2001, sortie d'un premier album, Asphalte Hurlante. Les Frangers, bon, ça s'impose comme un des groupes les plus charismatiques en hip-hop français à cette époque-là, déjà en 2001, à la sortie de cet album. Vous aviez déjà fait une apparition dans un opus juste avant. Aussi, c'était 99, je crois que c'est ça, non, 99. Ouais, on avait sorti un maxi qui s'appelait Les Rues Électriques, qui avait eu pas mal de buzz, justement, sur... C'est là où Nova, avec ce titre-là, on va dire, s'est réconcilié avec le rap français. Et peut-être même le rap tout court, parce qu'après ça, ils ont commencé à jouer les trucs genre Quantum Spectrum, La Tirx, tout ça. Alors qu'avant ça, il y avait Dynasty qui jouait du hip-hop sur son émission. Exact. Et leur ligne de trucs n'était plus du tout hip-hop. C'est vrai qu'ils ont eu un coup de cœur pour ce morceau-là. Ils ont enchaîné, ils ont continué à jouer du hip-hop et tout ça. Et il y a eu pas mal de buzz sur ce titre-là qui fait que ça nous a servi pour justement amener notre premier album dans de bonnes conditions, quoi. Alors, sortie du deuxième album, c'était octobre 2005, c'était en octobre dernier. Ouais. Double album, Peine de mort, M-A-U-R-E-S, faut le préciser, et Arc-en-ciel pour Daltonien, pas mal, j'aime bien le titre. Donc double album, là qui est sorti octobre 2005, qui cartonne aussi, hein, puisque là maintenant l'image de La Caution, c'est la figure emblématique peut-être du hip-hop français aujourd'hui, à l'heure actuelle. Vos références à chacun, puisque vous êtes tous un petit peu, toi t'es déjà un peu plus pop rock, non? Il y a déjà des références en matière de musique qui sont différentes des uns des autres, non? Par rapport à... On a tous nos goûts particuliers par rapport à ça. Maintenant, chacun a ses tendances et ses envies musicales. C'est vrai qu'Ahmed Nick Fury a une culture musicale vachement large, aussi bien que high tech, mais et aussi bien que Saphir, hein. Mais je pense qu'on s'en sort tous, et puis musicalement, je pense qu'on écoute de tout, on aime tout, et puis après, on voit en fonction de ce qui nous plaît et de ce qu'on peut faire. Et justement, Fab, c'est pas une difficulté pour un groupe quand vous êtes 4, 5 à travailler sur du son, à essayer de vous trouver musicalement? Non, parce que ce qui est rare peut-être dans un groupe, en tout cas dans le nôtre, ça n'arrive pas, c'est Nick Fury qui fait tous les sons, je veux dire, c'est simple. Personnellement, on n'a pas non plus ni à pas faire confiance ou à faire confiance. C'est Nick Fury, c'est La Caution, High Tech, c'est La Caution, Saphir, c'est La Caution. quand on a fait, mettons, le titre T'es à la menthe, on ne s'est pas posé de question de savoir si ça allait être un hit. C'était un morceau qui faisait partie de la caution. Point barre. Maintenant, effectivement, il est arrivé sur Ocean 12, il y a eu ce buzz. Exact. On se prend pas la tête, nous. C'est vraiment, on fait de la musique pour faire de la musique. On est des musiciens, on fait à long terme. Et on espère ressortir un autre album très bientôt. Et surtout aussi sortir Saphir des cautionneurs, sortir tout ce qu'il y a de, par rapport à Corozen. Et avancer et faire de l'avant. On n'est pas un groupe, tu vois, du moment qui éclate. Qui explose, et puis demain matin, dans deux ans, t'en entends plus parler. Nous, on fait des albums pour durer, on fait des trucs pour durer. L'album qui arrive dans tes mains, ben, c'est un album pour durer. Asphalturant, on entendra parler de cet album-là dans trois ans, et ainsi de suite. De toute façon, nous, on est décalés. On est d'accord, alors, ça, on est d'accord. Faut pas chercher. Les gens qui sont décalés, c'est les gens qu'on parle dans 5, 10 ans, et on est des musiciens, on voit les choses comme ça. D'accord. Tu veux dire que vous calculez pas vraiment votre carrière? Non, ça sert à rien de calculer. Pourquoi tu veux calculer des choses qu'on fait par instinct? Ouais. Je veux dire, quand je te dis franchement, je reviens sur Thé à la menthe, parce que bon, effectivement, dans tous les interviews, tout le monde nous parle de Thé à la menthe, mais quand tu parles de Thé à la menthe, c'est pas un calcul en se disant on va faire un maxi, ça va sortir et ça va tourner. Mmh. C'était, on l'a fait, il l'a fait, Nick Fury l'a fait, on a posé, on a fait ce qu'on avait à faire. Effectivement, ça a été le buzz du truc, et puis c'est tout. On est super contents, mais demain matin, ça peut être pilote automatique, ça peut être boîte de Max, ça peut être je te hais. On calcule pas, c'est de l'instinct. C'est de la musique, ça sort de nous, et puis voilà, ce qui arrive. Puis je pense que c'est un peu le problème des groupes, hein. À partir du moment où tu te projettes un peu trop dans l'avenir, tu oublies de vivre un peu le présent. Et surtout des groupes de rap français, quoi. On est d'accord. Justement. Ceci dit, moi je pensais qu'il y a quelque chose en parallèle, c'est que vous avez quand même bien calculé votre promo, vous allez à la rencontre des gens, du public. Apparemment, vous faisiez le tour aussi des radios à une époque. C'est la prod qui est en train de l'engueuler. C'est là, bien ça. Qu'est-ce que tu dis, toi, garçon? Vous faisiez un peu le tour comme ici des radios. On est assez simple. Ah ouais, non, mais bien sûr. De toute façon, tu sors un disque. Il faut aller le défendre, et donc la radio, tout est bon pour défendre ton disque. Tu tournes pour défendre ton disque, et en même temps, ça te permet aussi de vivre ta musique et de kiffer un peu, tu vois. Ouais. Mais en réalité, ça sert à rien de sortir un disque pour être un ermite du CD, quoi. Faut que t'ailles, voilà, quoi. T'es là pour CD, ouais, ça, c'est bien dit, ça. T'es là pour en vendre. T'es là pour le faire connaître aux gens, tu vas en radio, tu fais les interviews de presse, tout et n'importe quoi. C'est un job, quoi, en soi. Voilà. En soi, c'est un job. Si tu ne fais pas ça par rapport à ton disque, je ne vois pas ce que tu peux faire. Si c'est rester chez toi pour que le public vienne chez toi, ça ne sert à rien. Sur l'aspect musical, vraiment, t'as un truc qui y a... Si tu veux, le hip-hop, c'est nourri de plein d'influences. Et à un moment donné, il y a vraiment tellement pas eu de règles que tu vois, il y a des mecs qui ont fait des hits en samplant des trucs français, de Brel, de machin, de tu vois. Il y a pas de règles. La plupart des gens qui ont samplé du Brel sont des Américains qui ont tout niqué avec, tu vois. Il y a tellement pas de règles que justement tout ce que toi t'as pu écouter, tout ce qui fait partie de ton background musical peut te servir. Peu importe que ça soit quelque chose que t'aies écouté comme un dingue, mais aujourd'hui te dire que de 6 ans à 29 ans, t'as écouté que du rap, c'est impensable. C'est pas possible. Il y a bien d'autres musiques qu'on filtrait. Après, que ça soit nous, ce qu'on appelle des influences directes, comme on va dire les trucs que vraiment t'aimes et t'aimes assez pour acheter les disques. C'est-à-dire le rap, pour ma part, le rap, la funk, la soul à l'époque, etc. Ou des influences indirectes, comme ce que, entre guillemets, tu subis, t'entends à la radio, etc. Mais c'est pas, ça te plaît vite fait, parce que c'est des choses qui t'accrochent, il y a des mélodies, etc. Mais ça te plaît pas assez pour que t'ailles acheter les disques. Comme, je sais pas, à notre époque, c'était la new wave, la pop, les trucs de rock mielleux qui commençaient, voire même le hard rock. Quand je vois Busta Rhymes qui fait un titre avec Ozzy Osbourne et qui explique que, en fait, le mec a fait ce titre-là parce que à l'époque, il était dans sa classe, il y avait ceux qui écoutaient du rap d'un côté et les hard rock exactement comme nous, et ceux qui écoutaient du hard rock de l'autre, et qu'il se faisait plus ou moins la guerre en 6e, 5e, finalement, il a quand même réussi à lui glisser un Ozzy Osbourne, et il a fait ah putain, pas mal, et que 15 ans plus tard, le mec il s'est dit bah écoute, maintenant j'ai l'occasion de faire un... C'est exactement ça, c'est de la musique. Le hip-hop doit rentrer dans la musique en général, tu vois, c'est pas le cri de la banlieue ou le cri des miséreux, quoi. C'est aussi une musique. Donc pour nous, voilà, qu'on la ressent tellement comme ça qu'on se dit ouais, voilà, musicalement toutes les influences sont bonnes à prendre, d'où qu'elles viennent, du moment que t'en fais quelque chose entre guillemets qui soit pas non plus nul, quoi. Faut que ça soit bien. Ouais. Et justement, l'avantage, et je pense que c'est en ça que le groupe fonctionne, c'est la richesse musicale de chacun qui est différente. Forcément, ça vous aide à vous développer, ça vous aide à imaginer, ça vous aide peut-être à créer. C'est toi qui écris, toi, donc tous les lyrics, tout ce qui se passe dans l'Asie. Non. Avec Frangin, c'est qui non, ça non, c'est de Frangin, non, en fait c'est Frangin. Chacun nos lyrics. Moi, je compose toutes les musiques, c'est le truc. Mais on écrit, chacun écrit ses lyrics. Ouais, parce que. Ça, par contre, ça serait super spécial si. On va écouter Saphir à ce sujet-là parce qu'il a l'air de bien se marrer là. C'est Saphir que j'ai envie d'en. De temps en temps, j'ai fait une dictée, j'ai corrigé les lyrics de Saphir, mais. Chacun écrit ses lyrics. Hein. Parce qu'il y a des fautes. Des lyrics bien à soi-même, quoi. Ouais. Bah vas-y, d'ailleurs. On l'entend pas, mais notre ami Hightech là. Qu'est-ce qui se passe, Hightech? Tu prends des photos, tu parles pas dans le micro, toi. Ouais, bah les autres disent ce que je pense, plus ou moins. Et alors juste non, un truc, j'approuve. Alors moi justement j'ai envie de tous vous entendre là-dessus parce qu'on parle beaucoup des rappeurs qui sont peut-être aussi la cible des politiques en France. On va parler un petit peu d'actu par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce qui s'est passé et les événements du mois de novembre dernier avec les émeutes. On a beaucoup ciblé sur les rappeurs et c'est devenu un petit peu la base si tu veux du problème en accusant les rappeurs d'être à l'origine peut-être de la violence verbale, de la violence physique, de tout ça, etc., etc. Vous là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et en sachant que au niveau politique en France, il y a un certain nombre de problèmes, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Le fait qu'ils aient trouvé comme moyen d'expression ou d'excuse, comme ils veulent, pour interpréter des violences urbaines telles qu'elles se sont passées, par rapport aux rappeurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, personnellement, de mon côté, j'ai l'impression qu'on écope déjà de ce qui s'est passé déjà aux États-Unis. Quand un groupe comme Ghetto Boy avait fait un titre, je ne sais pas, de Maman Street sans me, et qu'il y a un petit jeune qui s'est tué, parce qu'il écoutait ce morceau-là, on a remis ça sur la faute du rap et sur la faute du groupe de Ghetto Boys. La télé, c'est bien plus violent. C'est une façon de voir les choses, c'est sûr. Maintenant, en France, par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux émeutes, je pense que, effectivement, que c'est passé à Clichy, c'est des Arabes, des Noirs, comme d'habitude, on met ça sous le biais du rap et qu'après, on interpelle des boobas, des machins pour venir parler et calmer. Je pense pas que le vrai problème vienne de là. Je pense pas que le rappeur en lui-même, qui est Kool Shane ou Joey Starr, peut calmer une foule enragée par rapport à ça. Je pense qu'il y a un problème que les politiciens ne comprennent pas, que nous, en tout cas rappeurs, peut-être que nous on situe très bien parce qu'on vit vraiment dans le truc, mais je pense pas que le rappeur et maintenant doit porter l'étendard de « nous pouvons calmer la cité ». Moi, personnellement, je ne vois pas comme ça. Le vrai problème, il est d'en haut. Et voilà, quoi. Après, Déjà, d'une, c'est pas aux rappeurs d'être politiciens, déjà. C'est aux politiciens de faire leur boulot. Et les rappeurs, tu vois, ils font de la musique. Donc, c'est autre chose. Même s'il y a un message à caractère social pour certains morceaux, tu ne diriges pas la vie des gens, quoi. C'est pas tu vois un film où un mec se suicide, tu vas aller te suicider, quoi, tu vois. Après, les gens qui sont, on va dire, mentalement faibles, ils ont peut-être pas besoin du rap pour faire n'importe quoi. Mais là, le cas, là, c'est que là, carrément, pour moi, on dévie même du sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il y a deux petits qui ont été interpellés, en fait, qui ont voulu, que les policiers ont voulu interpeller pour rien, qui revenaient du foot, qui sont morts par la faute des policiers. Et donc, après, pour calmer ça, on t'encercle la cité par des CRS qui provoque la foule, non, mais ça, t'façon, histoire de créer un peu. Pour moi, c'était juste histoire de créer, de créer ces violences pour pouvoir calmer ensuite la cité et arriver comme un héros, genre Sarkozy le héros, quoi. Ouais, et donc pour être, c'est juste pour moi une manœuvre politique pour devenir un peu plus éligible et un peu plus présidentiable. Mais le fait est que ça a dérapé quand ils ont tiré dans la mosquée, quand ils ont balancé une balle lacrymogène dans la mosquée. Et qu'ils ont commencé à attaquer un lieu saint. Donc ça a dérapé, ça s'est embrasé sur toute la France, tout en contaminant même l'Europe. Hein. Tu regardes, c'est passé en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Espagne. En Espagne, beaucoup ici. Et tu te dis, je crois que c'est un ras-le-bol général des jeunes et de la précarité des jeunes, tu vois, qui se mélange sans que même forcément le formule, c'est ce que je veux dire, qui se manifeste de lui-même instinctivement. Et je pense que là, c'est plutôt le boulot des politiciens et rien à voir avec le rap. Hein. Non, mais ça, on est d'accord. Parce que justement, quand ça s'est passé, je parlais vraiment de la spécificité, enfin des problèmes qu'ils ont eu avec le rap. Mais le rap, c'est un peu la continuité de du tout, quoi. En fait, il y a un gros problème en France avec comment se faire élire et quel est le programme électoral. Et chaque année, c'est l'insécurité ou l'immigration. Chaque quinquennat, c'est une année, un quinquennat sur deux, c'est l'immigration, l'insécurité. L'insécurité et l'immigration. Attention, etc. Les émeutes, c'est à cause de la polygamie, dit Sarkozy. Incroyable. En fait, ça, tout ce qui peut stigmatiser les populations qui font élire, on est des banques à urnes, quoi. Nous, c'est un truc de malade. Tu regardes la télé, tu connais pas la France, tu te dis les Arabes et les Noirs qui sont en France sont polygames, exciseurs, brûleurs de femmes, frappeurs de femmes, braqueurs, terroristes, voleurs, casseurs, machin. Enfin, tu te un tableau de ouf. Hein, ouais. Tu te dis putain, mais dans ces endroits où et en fait, mais c'est ça marche. Parce que les mecs arrivent sous les programmes sécuritaires, arrivent à se faire élire un truc de ouf. Mais c'est comme ils sont plus que carriéristes, le mec s'en fout. S'il faut taper sur le rap parce que c'est encore un qualificatif, le rap c'est la musique de ces populations, on va taper sur le rap. Disons que le rap, danse classique, c'est la même. C'est le bâton qu'on tend pour se faire frapper d'une certaine manière, d'un point de vue uniquement politique. C'est du genre, tu racontes ce que eux veulent exactement que tu racontes d'une certaine manière. Enfin, d'une certaine manière, je me comprends quand je dis ça. Et c'est ça qui est un peu vicelard. C'est tellement facile à réutiliser, mais dans ce cas-là, tu vois ce que j'ai, la plupart des rappeurs sont inspirés de films. Dans ce cas-là, pourquoi pas aussi interpeller les mecs qui ont fait les films, mais c'est ça, ce que je veux dire, et ainsi de suite. Et après, les mecs réels qui ont fait les conneries, qui ont inspiré les films. Mais là, tu vois, on s'en sort plus. Je pense que chacun a la décence d'esprit après, de pouvoir savoir où se positionner. Il y avait des groupes, ils ont cité dans l'article des noms de groupes que personne n'avait jamais entendu parler avec des phrases, mais c'était incroyable, c'est même limite surréaliste. La France, je l'encule, je la retourne, je jusqu'à sa grand-mère. Non, pas ça. Ça, à la limite, cette phrase-là, elle a un sens en tout cas un sens littéraire. Mais des phrases, tu sais, trop ouf, quoi. Je lui pisse sur la gueule à la France, mais genre un long couplet comme ça, nom du groupe, Schmilblick, on le connaît même pas. Tu te dis, limite, c'est pas des coups montés bizarres pour montrer bien que, ouais, il y a une, parce que je te dis, le français qui est au fin fond de la Corrèze, il sait pas du tout ce qui se passe là-bas. S'il se dit que ces gens-là écoutent de la musique anti-française, ces gens-là il y avait le grand truc du racisme anti-blanc. Ces gens-là font du racisme anti-blanc. Ces gens-là sont des casseurs, des exciseurs, des violeurs, des brûleurs de meufs, des machins. Et mec, c'est la terreur pour lui. Il se dit plus, au lieu de se dire, ouais, merde, j'ai pas de travail, il faut que je vote pour quelqu'un qui va peut-être me redonner du travail, il se dit, putain, faut que je vote pour pas que ces gens-là viennent chez moi, tu vois. tu rigoles. Le concept, c'est ça, la France. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en 2002 quand on a tous été, en 2001, quand on a tous été étonnés, moi, ça me faisait doucement rigoler avec l'insécurité et la façon exactement, dont la télé avait traité la politique, parce que maintenant on est dans une politique de la peur, mais si les gens ont peur, les gens votent extrémistes, etc. Et on a qu'à écouter Sarkozy, hein, tu vois, maintenant, exactement. Il parle comme Le Pen, il cite le même programme électoral, les mêmes phrases, exactement, exact. Et ça passe. Il y a beaucoup de choses qui sortent effectivement du programme du Front National. Les coups de Karcher, etc. Ça, c'est des mots qu'on a remis en phase en disant, attendez, les mecs et les rappeurs qui parlent peut-être mal sur certains trucs. Enfin, les politiques qui sont censés être des exemples à suivre, ils parlent pas forcément mieux. La télé et ce qui s'est passé pendant les dernières élections présidentielles, tu vas rigoler, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'avais vu une émission, si tu veux, où ils étaient retournés dans un village où il y avait eu zéro problème de sécurité. Même pas une boîte aux lettres cramée. C'était un village qui avait voté en majorité Front National. Ils ont interpellé une personne. Ils ont dit, pourquoi vous avez voté? Il a dit l'insécurité. La télé. Il a dit, il y a eu zéro délit. Ouais. Il a dit, on va brûler ma voiture. Exact. Et ils lui ont dit, mais vous connaissez quelqu'un qui en a brûlé la voiture? X-34. Le mec a dit non. Non, mais ça va bientôt arriver parce que si la télé le disent, alors forcément ça va arriver. Il connaît personne qui se fait brûler sa voiture. C'est exactement c'est ce qui se passe. C'est pour ça que, tu sais, par exemple, les gens parlent des émeutes. Les émeutes, voilà, c'était significatif de quelque chose. Il y a eu deux morts, etc. Il y a eu un soulèvement, etc. Il y a eu une solidarité dans d'autres quartiers, qui était plus aussi du domaine de la rébellion solidaire de loin. Mais si tu regardes bien, on a parlé des dégâts d'à peu près 100 millions d'euros, voitures brûlées, etc., etc. Ouais. Mais aujourd'hui, on est en 2006, 100 millions d'euros, c'est le prix de Ronaldinho et Xavi pour rester au Barça. C'est plus que c'était il y a 100 ans, quoi. Et sans parler des escroqueries politiques qui nous ont tué bien et qui détournent leur pognon. Donc, faut relativiser, quoi. Quand le football vaut plus cher que ta révolte qui fait la une de tes journaux, la une de tes trucs pendant deux, faut voter. Aujourd'hui, chaque chose a son époque, quoi. Mieux vaut prendre ça pour se dire, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je pense que ils ont aucun intérêt. Tous ceux qui sont carriéristes en France n'ont aucun intérêt à que ça aille mieux dans les endroits comme ça, parce que de toute façon, ils se font élire que là-dessus. Parce qu'ils n'arriveront pas, ils sont face à... T'as vu, il a essayé de placer son CPE, il s'est fait rembarrer direct. ils arriveront plus à résorber le chômage, parce que tous les trucs comme ça, là, en Ukraine, ils te font la même chose qu'en France pour 7 fois moins cher et pour 7 fois plus de temps. Donc à un moment donné, c'est l'adaptation, ouais, elle sera forcément... On commence à être conscient que la France est un peu morte quand même sur plein de trucs. Quoi. Ouais. Au niveau des jeunes, les premiers, je pense. Au niveau du taf, il n'y a plus... Enfin, ouais, ça part en c'est les jeunes, quoi. T'essaies mais que c'est 68 ans, on te gardait, quoi. De plein de choses, quoi. Ils sont devenus le contraire de ce à quoi ils aspiraient, quoi. Ça fait flipper. Mais franchement, c'est intéressant de parler avec vous, justement, de votre vision de la France. C'est bien, justement, un pays comme la France reste quand même avec un minimum d'éthique, parce que je te dis, franchement, c'est un des pays mondialement où il y a le plus de savoir-faire. Dans tout ce que la France excelle, c'est vraiment au niveau du savoir-faire. Ça soit dans, moi, je bois pas d'alcool, mais ça soit dans le vin, mais même dans la bouffe, dans tout ce que tu veux. On parle de bouffe, tu vois très bien, il y a aucun rapport. Tu vois, c'est l'espèce d'apprentissage de faire bien les choses, mais vraiment bien à l'extrême. C'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose d'hyper bien. Que si demain il y a des pays, tu as l'impression, voilà, où le taf que tu auras, c'est être serveur, quoi. D'accord. Et après, on parle beaucoup de la culture en France, effectivement, la culture de la bouffe, la culture de la richesse de l'histoire, etc., etc. On parle beaucoup de ça, mais on parle maintenant de la France aujourd'hui. Et moi, je pense que la France aujourd'hui est en train de perdre beaucoup de choses. Déjà, sa crédibilité par rapport à tout ça, par rapport au reste du monde. Il y a beaucoup de copier-coller par rapport à des politiques, etc., etc. Aucune crédibilité par rapport à notre chef d'État. Beaucoup de moins de crédibilité par rapport à notre Premier ministre. Ils sont deux, trois, ils font n'importe quoi. On a encore parlé, puisqu'ils sont à la une en ce moment des journaux et de l'information en France, puisqu'ils font la une en ce moment de tout ce qui se passe avec le Clearstream, qui est la banque des banques, où ils sont impliqués tous dans des histoires un peu chelou, etc. Vous n'avez pas là, justement l'impression d'être victime de manière globale de nos politiques, tout simplement, quoi. Sur je sais pas, 20 ans, laisser aller tout le monde à ce niveau-là. Je vais te dire un truc, c'est même pas spécialement nous, on est une sorte de bouc émissaire qui leur sert à se faire élire, tu vois ce que je veux dire, mais ils niquent la gueule à tout le monde, c'est pas ils niquent la gueule à nous spécialement, quand en réalité, tu vois ce que je veux dire, comme disait Nick Fury, au lieu de donner à bouffer aux gens, les gens, au lieu d'aspirer à avoir un travail et des meilleures conditions de vie, sont en train d'aspirer à pas se faire tuer. Enfin, soi-disant, hein, tu vois ce que je veux dire, vu comment on leur présente les choses, et c'est complètement dingue. Parce qu'en vérité, tu vois ce que je veux dire, le 93, ils disent que c'est un des trucs les plus hardcore. Enfin, tu te balades au 93, tu te balades tranquillement. En réalité, tant que tu fais chier personne, c'est pas tu marches dans la rue, il y a un mec qui va venir, il va te cramer, à côté, tu vois une meuf se faire violer, et là, tu tournes les yeux, tu vois une banque en train de se faire braquer. Ouais, c'est, tu vois, il se passe des trucs, mais comme partout. Ouais, c'est ce que je veux dire. D'accord. Comme partout. Les gens ont l'impression que c'est une généralité. Et que si tu appuies sur tous les viols et tous les tabassages de meufs par leur mari alcoolique, tu vois ce que je veux dire, ouais. Mais du côté blanc, tous les, on va dire, tu vois ce que je veux dire, du côté français, France profonde. Ah, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Tu rentres dans des délires, ou si tu commences à faire les mêmes généralités, ou tu rentres dans un délire hardcore. Quoi. Après, si tu rentres dans les prêtres, tu dis tous, ouais, c'est tous des pédophiles, l'autre c'est tout ça. Tu peux faire la même chose à l'envers et ce sera la même connerie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est pour ça que je pense que aussi bien les rappeurs que les immigrés dont on parle en France, qui sont bien français, et on insiste bien là-dessus, sont effectivement les premières victimes, les premières cibles des politiques. T'as raison, il y a d'autres statistiques. Sur effectivement la peur de la France, la peur de tout ça, et ça c'est une sorte de manipulation. Tu parlais de télé, moi j'ai trouvé l'exemple plutôt bien donné, Saphir, puisqu'effectivement je pense qu'aujourd'hui la télé a un gros monopole au niveau politique et a beaucoup d'influence par rapport au choix des gens. Et est-ce qu'ils ont eux-mêmes, tu vois, le choix de choisir ou quoi, je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose. Est-ce que tu as un choix en politique? Est-ce que tu vois ou tu perçois même un choix? Non, effectivement. Moi, je vais te dire un truc, il n'y a pas de choix. Les choses, c'est des gens qui se font des espèces de carottes et tout ça pour accéder au pouvoir, c'est tout. Mais en réalité, soit tu es élu, tu votes pour quelqu'un qui est le moins pire. Ouais. En réalité, voilà. T'essayes de minimiser. Quand tu regardes, Chirac, il a gagné avec un vote de dictateur, quoi. Il a eu un score de dictateur. On réfléchit tous en tant que Français. Les Français sont des râleurs, un truc de ouf. Les Français n'est jamais content. Quoi qu'il arrive, même il y aura une bombe atomique qui se présente, un mec qui est parfait qui se présente, dire oh ouais, mais non, il est trop parfait, lui, il cache quelque chose. Donc à un moment donné, la politique en France, ça peut pas marcher parce que tout le monde et personne n'est jamais content. Mais au moins que tu vois, l'autre il se rabaisse aux discussions de bistrot, tu vois. Non, bah ça c'est clair. Les gens essayent de faire évoluer mentalement leur pays à l'étranger. Lui, il se rabaisse aux discussions de bistrot. C'est-à-dire que pour que les gens le rattrapent, lui qui a fait l'ENA, faudrait faire en sorte que les discussions de bistrot augmentent de level et pour que lui puisse s'adapter. C'est un truc de malade quand même. Bon, en tout cas, dans moins d'un an, il va se passer quelque chose d'assez important en France au niveau politique, puisque ça va être la réélection. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. La réélection, tu dis ? L'élection. Parce qu'il fait la Chirac en poteau, là, en ce moment. Mais je crois que je préfère Chirac à Sarkozy, hein, moi, des limites. Hein. Je vais te dire honnêtement, même si je sais que c'est une craclure. C'est une craclure. Mais au moins, tu le sais. Et là, on revient à Sarkozy, il parle comme Le Pen. Exactement, il dit exactement la même chose. Si Le Pen avait dit ce que Sarkozy a dit, il se serait fait lyncher de partout, comme d'hab. Là, Sarkozy, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il parle de français en réalité, parce que la plupart des rebeux renois dont il parle sont français. Ouais, mais c'est sûr. C'est mais ce c'est qu'il oublie. Tu ne peux pas quitter ton pays. On est au centre de français, manipulation, t'as français. En fait, quelque part. Donc de quoi il parle, quoi. Tu te demandes, et il essaye de faire croire comme si tous les mecs qui habitaient en cité étaient immigrés, sans papier. Ah ouais. Mais c'est loin d'être le cas, quoi. La plupart sont français. On est d'accord. C'est ça qui est complètement dingue. Bien là-dessus. Et ça, ça, il ne le sait pas non plus. Il ne l'a pas bien compris. Il ne l'a pas bien saisi. Il le sait très bien, mais c'est, ouais, il joue sur les mots. Il essaye de gratter le FN. Il se dit, il est 20% du FN de 2002. Si j'arrive à les taper par-ci, si j'arrive à... Il est calculateur à la mort. En même temps, son pire ennemi à Sarko, je pense que c'est Sarko lui-même à vouloir trop en faire. Il va peut-être se griller tout Il a voulu faire le culte, conseil du culte musulman pour faire bien avec les musulmans. Exact. La discrimination. Après, il dit le contraire. En fait, il te lance que des trucs qui sont contradictoires les uns avec les autres. Et vous en tant que là, la caution, est-ce qu'elle a eu l'occasion d'être amenée à venir parler politique ? Vous allez être amené, forcément, on parlait de ça au début et je voudrais revenir là-dessus, au niveau des paroles, la façon, le message que vous faites passer, puisqu'il y a forcément un message dans vos chansons, il y a effectivement la passion de la musique et puis il y a tout le travail autour, mais il y a aussi un message, c'est la façon dont vous écrivez, j'imagine. Ouais. Tu sais, on ne veut pas non plus être porte-parole de quelque chose. Quoi. Non, tu vois, je veux dire, alors voilà, bien, pas porte-parole. Pas... Mais est-ce que justement vous témoignez d'une réalité telle qu'elle se passe dans les banlieues, telle qu'elle se passe pour nous en tout cas. D'accord. Ouais. Mais que ce soit dans les banlieues ou à quelque chose de plus général, parce qu'en fait, au final, tu vois, par exemple, là on est à Barcelone, là, quand tu vois que les taxis nous regardent de travers, sont pas chauds, et c'est que tu sais qu'avec les. En plus, c'est les Marocains apparemment qui sont en Massy, tu sais qu'ils sont en mauvaise ambiance entre eux, tu les vois, les autres sont d'un côté, tu vois, un peu du racisme, un peu de part. Et d'autres, j'en sais rien. Et tu vois, donc clairement, tu peux pas te mettre que banlieusard, tu vois, dans l'absolu. T'es ce que t'es, donc t'es forcé d'internationaliser ta posture, on va dire. Maintenant, quand t'es un arabe, t'es un peu de la race la plus haïe du monde. Hein. Partout où tu te balades dans le monde, c'est super tendu, quoi. Ah, c'est clair. Tu vois, par exemple, à Barcelone, des Renois, est-ce que t'en vois beaucoup, quoi, par exemple ? Non. Ils trouvent pas de taf, mais grave. Ouais, et puis alors, et d'autres, voilà. Mais c'est encore plus radical, on s'en rend même pas compte. Non, mais tu sens un racisme latent quand même. Tu le sens dans les regards des gens, parce que, en fait, t'es habitué quand t'es jeune, depuis que t'es jeune, tu sens que t'es pas comme les autres. Dans le regard des gens, parce que les gens ils disent, ouais, mais t'as les papiers français, bah oui, t'es français. Mm-hmm. Mais dans le regard des gens, tu n'es pas français. Non, c'est clair. Par exemple, je parle pour la France, dans le cas de la France, là. Ah, bien sûr. Mais bien sûr. C'est vrai que partout où t'es, en fait, tu portes ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est comme toi, tu vois, t'as des locks. Pour les gens, t'es un drogué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand c'est tu te balades. Sérieux, non, mais sérieux. Non, mais c'est con, vrai, mais tu vois ce que je veux dire? C'est des, c'est des raccourcis. Mmh. Après, bon, des fois, c'est des bons raccourcis, quoi. Non, mais tu vois, ceci dit, si c'est assez tolérant quand même, Barcelone. Ouais. Je sais pas, vous avez quand même senti un bon feeling dans la rue, ceci, cela. Non, mais c'est... Non, mais c'est bien. Personnellement, par rapport au festival qu'on a fait, nous, quand on est venu déjà l'après-midi où il y avait effectivement la musique, les skates, tout ça, je trouve que déjà ce genre d'ambiance, c'est quelque chose que nous en France, on est incapable de faire parce que les Français manquent de discipline. Ça serait quelque chose pour nous, genre au Parvis de la Défense, faire un événement pareil, ça serait relever de chemin d'Hercule, quoi. Ouais, d'accord, justement, mélanger les genres, le côté artistique. C'est avec impossible. Les graphes, c'est pas que c'est impossible en France. Je pense que on arrive toujours à ce problème où effectivement, en tout cas à Paris déjà, à Paris, c'est les gens sont complètement indisciplinés, toute la jeunesse. Alors maintenant, je pense que quand nous on arrive à Barcelone et qu'on voit des choses comme ça, comme l'après-midi, ouais, effectivement, on est garé, on est content, et puis bon, bah, on a une bonne vision des choses, quoi. On est satisfait, et on a envie de revenir ici, quoi. Mais ça revient un petit peu à ce qu'on racontait, puisqu'ici, peut-être que les choses sont plus faciles, puisqu'en France, tout est compliqué. Hein. Tu montes une asso, c'est compliqué. Tu essaies de faire une émission, peut-être espagnole ou catalane à Paris, c'est un truc que tu pourras jamais faire parce que c'est pas possible, que ça soit même dans les radios alternatives ou radios locales. Donc, effectivement, les choses peut-être sont plus faciles, mais ça revient à ce que tu racontais au début. Je pense que le soleil joue beaucoup et que sur l'état d'esprit, d'abord en premier. Mais en même temps, on a tous été surpris aussi à Londres de voir que les gens aussi cette mentalité-là n'existait pas. Donc c'est très français. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai vécu à Londres pendant une longue période. Tout au démarrage, j'ai vécu vraiment le carnaval de Londres à l'époque. Et c'est méchant ce que je vais dire, mais dès que les Français ont commencé un peu à arriver effectivement au carnaval de Londres et à découvrir, j'ai l'impression que le carnaval de Londres a perdu de son entité, a perdu de son grain et de son ampleur. Il y avait largement plus de choses à l'époque. Là maintenant, le carnaval de Londres, il est infesté, il y a toujours des bagarres, il y a plein de choses et les choses se font de moins en moins concrètement. Et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais il est vrai que le Français, quand il arrive quelque part, on a l'impression que... C'est lui. C'est lui, ça lui appartient, c'est la bagarre. On espérera que ça ne sera pas la même chose à Barcelone en tout cas. Non, c'est un peu l'invasion aussi. Je vous le souhaite, mais je vous le souhaite. C'est les Français cool. C'est vrai que c'est plus les différences. C'est à la cool ici, c'est à la cool. Mais c'est dingue. Parce que Londres en même temps, le carnaval de Notting Hill, c'est le carnaval jamaïcain. T'es pas loin de banlieue parisienne, t'as juste à prendre Gare du Nord, tu prends un train. Mais avant, ça ne se faisait pas. Moi, je sais qu'avant, je voyais aucun Français au carnaval de Londres, quoi. Ouais. Il y avait très peu de Français. Encore, c'était les Français qui habitaient à Londres. Et quelque part, ça se passait super bien. Là, t'y vas maintenant, c'est un peu difficile. Moi, j'y vais plus, personnellement. Moi, j'y vais plus du tout. Mais je sais qu'il y a eu des monstres bagarres. Quand on parle français là-bas, t'es un peu mis de côté. On a un peu peur de toi et c'est un peu compliqué. Mais bon, après, c'est peut-être une mentalité française, je sais pas. Je pense pas parce que moi je le suis pas. Mais ils ont le traumatisme français. Bah oui, tu sens le traumatisme français. mais c'est vrai, ils ont traumatisé, toi, c'est une gangrène les Français quoi. Quand ils arrivent quelque part. Même les Américains quand ils viennent ici, les artistes américains, ils sont égarés sur la France quoi, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est différent parce que je pense qu'il y a un moment par rapport aux Américains, bon, ça c'est simplement que à un moment quand tu arrives dans un pays que tu es américain et que tu dis, bon, bah écoute, moi, ils ne comprennent pas, c'est pas grave, je peux leur dire des motherfuckers pendant 20 minutes, et qu'un jour, ils viennent à Paris, ils se prennent un coup de pompe dans la figure, et ils se disent, ah là, ils ont peut-être compris, il faudrait peut-être arrêter. je crois que tu vois, il y a un moment, il faut savoir respecter le public, quoi. Les Américains, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à une époque, ils étaient rois du monde. Ouais, là, ils le sont effectivement, plus. Il y a plus de concurrence maintenant. Ils le sont plus. On est d'accord. Maintenant, c'est eux qui veulent venir en Europe pour pouvoir faire leur business. Bah, tu sais, c'est un peu le bordel, hein. Les ricains, il y a pas mal de monde ici qui viennent, les touristes, par exemple, on peut voir, et il y a pas mal de zones. Mais c'est assez sympa en même temps, c'est différent, quoi. Oui, mais c'est bien. Tous les quatre, vous êtes originaire de Noisy-le-Sec, 93. Ouais. Tous les quatre, Fab aussi. Tous les trois, Saïd Asseloff aussi. Saïd qui est dans le coin aussi. Ouais, et Fab et lui, il est de Paris même. Tous les deux, vous avez commencé. Nick Fury, vous avez commencé tous les deux il y a combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps que vous chattez vers le micro? Enfin, écrire, on va dire. Moi, je crois que j'ai dû écrire mon premier texte en 94, fin 94. Après, réellement, genre sérieusement, c'était plus 96, 17, quoi. À ce moment-là, quand tu commençais à écrire, tu savais que tu avais envie d'en faire ton métier. Tu t'es dit, il faut prendre l'école. C'est mon kiff perso. C'est que par passion. Et nous, notre délire, c'était, voilà, j'écris les rimes on était tous des mecs à fond, on écoutait vraiment les rappeurs. On est encore la génération qui arrivait à comprendre pourquoi un rappeur était bon, parce que justement il utilisait tel mot que l'autre n'avait pas encore utilisé, telle association de syllabes que l'autre n'avait pas encore fait. Plus même si on s'en foutait que ça soit Redman qui parle que de weed et de nana ou l'autre qui parlait de politique, on avait rien à foutre. Finalement, c'était le délire de ce qu'il dit colle avec son flow et sa forme, etc. Et donc nous, on écrivait vraiment pour avoir le meilleur rapport flow sens sonorité. On est d'accord. Et c'est vrai que voilà quoi, on faisait ça pour juste plaisir, pour un peu comme t'aimes le foot. Bah tu joues au foot, t'essayes de t'entraîner à faire le gris-gris le plus dur et tout ça, etc. Si t'arrives, c'est vraiment de la même manière. Après, bon, voilà, on a dit, ouais, pourquoi vous voulez faire un concert ici, puis un autre, une mixtape, un CD, et petit à petit, voilà, quoi. Et je pense que c'est la manière la plus saine d'arriver à ça que de vouloir faire une carrière. Parce que c'est quand même un métier passionnel, la musique ou le foot ou ce que tu veux. Le sport, si tu veux faire une carrière, soit tu donnes toi tu y arrives et ça donne des frustrés, les sœurs Williams dans le tennis par exemple, les trucs comme ça, parce que elles n'ont pas eu le temps de savoir si elles voulaient faire une carrière. On leur a dit vous allez faire une carrière, et nombre de sœurs Williams qui n'ont pas réussi. Donc c'est encore plus frustrant. Ou alors si tu arrives pour faire une carrière, t'as 18 ans, tu te dis ouais mortel, moi ça y est, je vais faire une carrière dans le rap ou dans la musique. Je vais faire des sous, etc. C'est jamais bien ce que tu fais. Parce qu'il n'y a aucune, euh, aucun kiff qui... Non, si tu veux, c'est l'ambition professionnelle qui prend le dessus sur la passion. Il y a forcément, il y a dans la musique, dans un timbre de voix, dans n'importe quoi, une sorte de kiff ou une sorte de, je sais pas moi, enfin, ça dépend des voix, ça dépend des mecs, des ambiances, mais quelqu'un de passionné, tu le ressens toujours. Quelqu'un de, en tout cas, de vrai dans son truc, tu le ressens toujours. Un mec qui vient, enfin, la musique, c'est super long. C'est pas, t'arrives et tu viens, tu sors un disque en une semaine et demie. Ça, c'est impossible. C'est des 10 ans de taf, c'est des 10 ans de trucs. Et pour tenir 10 ans sans avoir de revenus fixes, soit t'es un chéri, soit t'as du talent. Soit t'es assez passionné pour pouvoir endurer, faire ça en même temps et faire ci en même temps et tout ça. Il n'y a que ça qui marche, quoi. Si t'as déjà galéré 10 ans, t'es prêt à faire 20 ans de carrière tranquille, peinard après, quoi. Après, il faut voir, quoi. En tout cas, tu comprends en tout cas la difficulté du métier. C'est pour ça que tu t'accroches à la passion de pouvoir la faire. Et c'est un petit peu votre cas. La caution, elle a déboulé comment? Comment ça s'est passé quand la caution a commencé à faire parler d'elle? En fait, tout simplement, nous, on n'avait pas vraiment calculé. Nous, avant tout, comme il te l'expliquait, Nick Fury, c'était un kiff. Nous, on était là, on nous dit, ouais, tu veux faire un concert là? On faisait le concert. Après, au fur et à mesure, en fait, nous, on ne se rendait même pas compte de ce qu'on faisait ni rien, quoi. On était entre nous et la compète, elle était entre nous. Elle n'était pas forcément même avec les autres groupes, hein, parce que moi personnellement, je n'écoutais même pas vraiment de rap français. J'écoutais que du rap américain. Que du rap américain. Les groupes français. Bah, disons que moi, c'était par souci, je ne veux m'imprégner de rien de français pour avoir. Et comme c'est de l'anglais, forcément, quand tu rimes en français, même si t'as beau essayer de copier, tu ne seras jamais la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est clair. Et donc, du coup, tu vois, tu crées quelque chose de vraiment singulier, quoi. Mais le but était avant tout de s'amuser, de faire un truc qui te plaît. Et c'était la satisfaction personnelle. Pas la satisfaction dans le sens où tu cherches à plaire aux gens. Nous, on cherchait à se plaire à nous-mêmes. Si, mais en se fixant des limites qui sont très hautes d'exigence. Et donc, au final, la musique parlait d'elle-même. On n'a même pas eu à démarcher ou à chercher quoi que ce soit. Hein. Ouais. Les gens venaient à nous et nous disaient, ouais, ce serait cool, sans qu'on soit connus. Hein. Ils nous disaient, ce serait cool si vous veniez faire ça, ce serait bien si vous veniez poser sur ce disque-là. Et de fil en aiguille, Assassin nous ont contactés, nous ont demandé de poser sur un maxi, qui sortait une série de maxi qui s'appelait L'Avant-Garde. Ensuite, ils nous ont proposé de faire carrément notre propre maxi. Et de fil en aiguille, on avait fait la première partie de la tournée d'Assassin en 2000, exactement, avec l'album Touche d'Espoir, qui avait séduit pas mal de gens, alors que bon, les gens étaient là pour Assassin. Et à la base, généralement, tu sais comment ça se passe. Quand les gens veulent voir leur groupe, ils ne sont pas très attentifs à ce qui se passe. Et en plus, généralement, pendant que tu chantes, ils peuvent réclamer l'autre groupe. Bah, nous, ça ne s'est pas passé comme ça, quoi. En gros, les gens avaient bien aimé et tout. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvé à faire des disques sans s'en rendre compte, quoi. On se rendait bien compte qu'on faisait de la musique. Oui, parce que vous avez peut-être aussi une identité musicale, bien à vous. Il n'y a personne qui fait ce que vous faites. C'est clair, même en américain, hein, quand tu regardes, j'écoutais que de l'américain. Mm-hmm. Là, je parle pour moi parce que chacun écoutait plein de références. Tes références en rap américain? Moi, j'aime beaucoup Quantum Spectrum, toute la clique à Shadow, la T-Rex, tous ces mecs-là. Après, il y a aussi toute Organized Confusion. Wu-Tang, Public Enemy, Run-DMC, toute l'école du New Jersey, Redman, Outsiders. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs en fait qui m'ont plu. En fait, je suis pas scotché sur un style de son. Parmi y en a, ils vont te dire, moi, je suis que dans le rap jazzy. D'autres, moi, je suis que dans le rap machin. D'autres, que dans le rap machin. T'es Queensbridge, par exemple. Moi, personnellement, quand c'est bon, j'écoute. Je me pose pas de questions. Quand un truc me plaît, que ce soit même hors rap, quand un truc me plaît, j'écoute. Et je pense que c'est cette ouverture d'esprit qu'on a. Ah ouais. Qui donne, de la richesse au groupe, voilà. Et surtout que nous, on voit notre musique comme une musique cannibale. C'est-à-dire que nous, on fait du hip-hop. Mais notre musique, elle ingurgite les autres musiques pour faire du hip-hop. Mm-hmm. C'est pour ça que je te dis l'expression musique cannibale. Il y en a beaucoup qui font du rap et qu'on limite un peu honte de faire du rap et qui disent ouais, mais nous, on fait de l'électro, machin. Enfin, plein de pécores qui sont arrivés derrière. Ouais, dans la mouvance qu'on a créée, en réalité. Dans la mouvance qu'on a créée sans faire exprès. Mmh. Parce qu'on ne voulait pas la créer à la base. On n'avait pas cette prétention-là et tout. Bon, maintenant, on est obligé de dire qu'on l'a créée parce qu'on nous l'attribue. Mais nous, on n'est pas comme eux qui ont limite honte de faire du rap ou qui vannent un peu le rap. Nous, dans le rap, il y a beaucoup de trucs bien. Il y a beaucoup de trucs bien, mais après, tout dépend pour qui. Et tout dépend pour quelle tranche d'âge aussi. Nous, on est une période où on est entre la vingtaine et la trentaine. On va pas s'adresser aux enfants de 14 ans, quoi. On saurait pas le faire. Non, et c'est la old school quand même, hein, quelque part par rapport à. On peut pas être old school dans le sens où, en réalité, on fait ce qui est plus neuf dans le rap français. Voilà, c'est déjà ça, comme le truc. Il y a déjà des autres personnes dans la mouvance qui débarquent. Je pense pas qu'il faut penser en old school, new school. Encore avant, quoi. Tu vois, Sylvain, je pense pas qu'il faut penser en old school, new school. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, il y a de la musique. Ouais. Et c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la bonne musique et il y a de la musique qui n'en est pas, quoi. Enfin, tu vois, tu parlais d'Assassin quand même, parce que c'est intéressant de recadrer, parce qu'en plus, il était là, Duke. Ouais, parce qu'il y a eu quand même du beau monde, effectivement, au festival. Ouais, il y a eu DJ Cut Killer. Ouais, qui était là. Et Duke, qui c'est qu'on a vu encore de la scène? Bon, il y a eu TTC en speed. Il y avait Mr. Singh. Excellent DJ. Il y a eu De La Soul, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Un groupe catalanais, apparemment, Viola Dores. Je ne me souviens plus du nom entier. Je crois qu'ils sont de Madrid, ce groupe-là. Là. Ouais, les gars qui ont débarqué avec leurs lunettes et tout, bien américaine quand même. C'était non, assez sympa. Même en termes de graffiti, tout ça, c'était bien. Il y avait un bon esprit, on va dire, sur le festival. C'était bien, quoi. Pour en revenir juste au rap français aujourd'hui, les rappeurs qui montent, on parle beaucoup d'Alibi Montana aussi, qui vient de sortir un truc. Bah, faut pas se perdre dans ce discours-là. Ouais, franchement, parce que là, en ce moment, peut-être que vous êtes à Barcelone, mais nous, à Paris, il y a une montée de rappeurs qui font des faux lyrics. Prenez la violence. Je crois qu'il y a un moment, là, faut mettre des barrières. C'est ça dont je te parlais. Là, faut commencer à mettre vraiment des barrières, parce que là, on parle plus de rap, on parle plus de musique, on parle d'autre chose. Et je pense que nous, la caution, là, sur ça, je pense qu'on n'a pas de mot à dire. On a peut-être notre mot à dire sur ça, mais je crois qu'il faut vraiment préciser que le rap français, en ce moment, a un vrai problème. D'accord. Est en train de se gangréner tout seul avec, je dirais pas des noms parce que je suis pas là pour foutre la polémique. À chaque personne, sa vision des choses et de ses lyrics. Mais en ce moment, le rap français se gangrène tout seul. Parce qu'il y a des mecs à Paname qui font du rap français et qui prônent une violence extrême, mais qui va vraiment super loin. Moi, je le dis parce que je travaille dans une radio et je travaille à Génération. Et je vois la playlist, je sais ce que c'est. Je vois les mecs défiler, venir faire des interviews de merde. Ils n'ont rien à dire, mais dans leurs lyrics, c'est... C'est violence. Donc. C'est violence. C'est violence. Et moi, c'est en ça dont on parlait tout à l'heure quand on parlait des politiques et que les rappeurs étaient peut-être une cible, que les émeutes qui ont été associées aux rappeurs et à la violence des mots de certains groupes de rap. Mais là, c'est un créneau marketing. Est-ce que justement, et c'est de ça dont je voulais parler, c'est très bien que tu l'aies dit aussi, est-ce que justement ces groupes-là dont on parle beaucoup en disant, attendez les mecs, là vous êtes en train de prôner la violence, là vous êtes en train de demander. Eux, ils font leur taf. Ils font leur taf. Ils ne se rendent même pas compte. Un mec comme tu parles d'Alibi Montana, Alibi Montana menace record. Nous, c'est des gens qu'on connaît depuis un moment, Baïès, on a vu monter. Les mecs sont vrais avec eux-mêmes. C'est pas eux le problème. Le problème, il est où? C'est ceux qui copient sur ces mecs-là. Ceux qui n'ont rien à voir avec. Eux racontent leur réalité. Mais quelqu'un qui s'invente une réalité en écoutant les ténors du rap, entre guillemets, Kaira, c'est ça qui gangrène le rap. C'est qu'un petit mec qui vient, qui a 16 piges, il est dans un open mic et dit qu'il a dans son l'open mic, il est gagné quand le mec dit ouais, j'ai 15 kills sous le lit, 2 schlass et 7 fusées à pompe. Mec, il a crevardisé 5€ pour faire un open mic. T'as 15 kills sous ton lit. Et c'est là que nous, à chaque coup, on se disait mais faut arrêter, quoi. Les mecs qui fantasment sur ça, qui gangrènent le truc. Mais des gens, au contraire, c'est bien qu'il y ait des mecs qui racontent le truc de manière brute. Mais quand c'est vrai, quand tout le monde le fait par mode, ouais. C'est super tendu. C'est tendu, quand c'est dans la surenchère inutile, ça ne sert à rien. Mais il faut toujours qu'il y ait des trucs qui existent. Et tu vois, de toute manière, pour moi, tout est bon à entendre d'une certaine manière. Après, il faut savoir interpréter les choses et amener les choses. Il y a des fois des mecs qui font de l'entertainment. Et en fait, ils se prennent pour Tony Montana dans leur texte. Exact. Et d'une certaine manière, c'est plus du cinéma que de la. C'est pas de la télé-réalité, le rap. Il faut arrêter les clips associés aussi, quoi. Justement, les clips associés, tout ça. Mais en même temps, pour vous, c'est dans le rock, il y a une violence extrême. Il y a une violence extrême, des fois même satanique, même tout ce que tu veux, qui n'est pas, on va dire, médiatisée dans le sens qui n'est pas ciblée, tu vois ce que je veux dire, comme bouc émissaire. Et dans le rap, tu vois ce que je veux dire, si tu fais la même chose que ça dans certains clips de rock, tu peux être sûr que ça va être plus mal vu. Parce que tu ramènes deux clips similaires, un de rock et un de rap, avec le même genre de choses dedans. Le clip de rock passera pour de l'amusement et pas celui de rap, quoi. Et c'est ça qui est. Mais dans le sens où là maintenant, c'est qu'il y a énormément, comme disait Nick Fury, d'usurpateurs qui arrivent, qui n'ont même pas vécu dans des cités, ou même de mecs qui habitent dans la campagne et qui te racontent des trucs. Tu vois ce que je veux dire, tu te dis. Mais il y a différents publics aussi, pour ça. Ce fantasme-là est dangereux. Le rappeur qui raconte sa réalité, qui habite effectivement. Il y a des ghettos en France, ça, tu vas pas te le cacher. Le mec qui raconte cette réalité, nous, quelque part, à notre manière, on raconte exactement la même chose. Maintenant, le truc, c'est qu'on a pris un parti pris de raconter ça d'une manière peut-être plus complexe ou j'en sais rien, tu vois. Mais le mec qui raconte ça brut, mais qui est vrai, mec, tu peux rien dire parce que c'est pas, tu peux rien dire au compte et tu vois et c'est quelque chose qu'il en faut, il faut de tout, tu vois. Tu peux pas te. Maintenant, le mec qui fantasme là-dessus et qui part en et qui achète un sweet Kairaware et qui marche dans une gare, dans la gare de Saint-Vauxin-la-Forêt, tu vois, c'est violent, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. C'est un truc de malade mental, ça, c'est de la schizophrénie. Et c'est ce truc-là qui fait flipper dans le rap, tu te dis même, tu sais, t'es là, c'est pour ça que nous, par exemple, des mecs qui viennent, me disent, ouais, vous êtes un groupe plutôt électro, mais pas du tout. C'est que les gens ont réinventé le rap. Mmh. Les gens ont réinventé le rap avec leur sample de variété, parce que, excuse-moi, mais t'enlèves les 80% sur les 80% des derniers tubes de rap français, hormis peut-être hormis certains, tu mets les notes, tu mets la nappe, tu t'enlèves le beat, t'enlèves le chant, tout ce qu'il y a du chant en rap français, tout ce qui s'est retrouvé avec du chant dessus et qui a cartonné, t'enlèves toutes les voix, tu mets Lara Fabian dessus, t'enlèves le beat, c'est exactement pareil, parce que c'est une culture variété. La culture variété, mais super cheap, des mecs qui sont nés dans les années 80, fin des années 70, avec la grosse culture variété. Les gens n'ont pas réussi à l'ingurgiter pour en faire du hip-hop, ils ont fait du hip-hop, de la variété. Et ils sont là à dire, c'est ça le rap. Il n'y a que la France qui a redéfini le rap. Le hip-hop a été redéfini par la France. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le mec de 14 ans, aujourd'hui, dit « Ah non, moi, t'as eu le rap, c'est ça pour moi. » Pour le phénomène que fait même, il y a ça devient du reggaeton, en fait, ou phénomène américaine. Ou phénomène de mode aussi. Même ce que voulait dire Fab, à un moment, quand il parlait du rap qui se gangrène, je pense qu'il a raison dans le sens où, maintenant, on n'est plus sur la performance artistique, on est sur la performance de mensonge. Genre, parce que dans le rap, qui braque, qui tue, qui vole, qui a 15 kilos, pas beaucoup de monde, hein, ils doivent se compter sur les doigts de la main, et je ne suis pas sûr qu'ils sont connus, ceux qui font ça. Et même si tu faisais ça, quel est l'intérêt de le dire, de balancer toi-même ou de faire du rap de balance ? C'est ce que je veux dire, c'est complètement absurde. Et je pense que là, on est sur un truc, au lieu d'être dans la concurrence au niveau de la musicalité, on se retrouve dans une concurrence de surenchère inutile et qui sent le mensonge à plein nez. Mais quand tu as 14 ans, pour toi, tu le prends comme un fantasme. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire, Fab. Ouais, disons qu'un gosse de 14 ans qui prend effectivement là maintenant un rappeur, bon après je te dis du booba dans la figure, quand tu lui mets la caution à côté, on est des aliens quoi. Il ne comprend pas. Ça, ouais, il y a deux mondes. Il y a deux mondes différents. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, nous. Moi, le genre musical reste le hip-hop et tout, mais ouais. Dans la construction musicale, c'est différent. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, nous, la caution, après je le dis tel qu'il est, moi du gosse de 14 ans, j'en ai rien à taper quoi. Parce que je vais pas commencer moi à faire de la musique pour le mec de 14 ans pour que nous on s'adapte à lui. C'est à lui de s'adapter à nous. Ça faut être net et clair. On est des musiciens et je le dis encore, la caution c'est des musiciens et ça va. On est là pour durer. Je suis pas là pour faire de la musique pour des gens de 14 ans qui demain matin vont nous oublier parce qu'ils ont entendu demain matin Britney Spears chanter un super tube quoi. Faut bien comprendre que nous on fait de la musique pour durer à long terme. On est complètement d'accord là-dessus. Ouais. Et y a pas photo, hein, ça se voit sur scène. Hey, ça parle tout de suite. Hein. Les groupes qui ont rien à faire là, tu les vois sur scène, ils se ramassent quoi. Mais bon, c'est le public après. Mais c'est vrai, que c'est aussi. C'est médiatique. C'est un truc. En tout cas, on va écouter un extrait du premier album. La première album dont on a parlé, As Facture Land, c'était 2001. C'est ça, c'est 2001. Ouais. Aussi, ouais. Pareil. Saphir, ça va tranquille ouais. Dans la place. Pépère. Papa, ça se passe. Barcelone, t'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, tranquillement. La vie est belle? La vie est belle, sauf la bouffe quoi. Mais raconte ton histoire d'hier soir là. Parce que tu sais que moi j'ai entendu dire non, pas de choses comme ça. Non, bien sûr, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, bien entendu. Il y en a qui font du sport et tout, qui bouffent catalan et tout ça. Le groupe La Caution avec qui on va terminer ce dernier quart d'heure, ils vont nous parler de plein de choses. On va revenir sur le foot parce que je sais que vous êtes des amateurs de foot. Et d'ailleurs, notre ami Saïd, il m'a fait le plaisir de mettre un t-shirt Paris Saint-Germain Forever. Alors, on va l'entendre dans un tout petit instant. Ça nous fait bien plaisir de les avoir. La Caution, ça se passe sur Radio Contrabanda. C'est 91.4, c'est la fréquence sur laquelle vous nous écoutez. Las Gabachos Banda. Ou évidemment sur le www.contrabanda.com. Banda.org, à tout de suite. Hein. Pour les Catalans, exclusivité. En exclusivité. La lumière des néons s'incruste dans mes rétines, les sphètes crasseuses. Stationne les CRS dans un bus de cancre hermétique. Je respire cette atmosphère de haine épaisse et moelleuse. Elle me civilise. Asphalte hurlante. Asphalte hurlante. Asphalte hurlante. mon hypothalamus, travaille mon hypophyse, hydrolyse mes lobes oculaires, tandis que l'air remplit mon ventre comme si tout qu'on a vu à l'hypopotamus. Ce que tu fais, c'est de la merde. Entre autres et en outre, on sait tous ce que propose l'anus. Dans le rap, j'y distille ma nitroglycérine, ma propagande, j'excelle dans ma discipline, comme quand les piscines ont trop cadence. Amène les dreams cyclines qui mystifient les tests qui me sont propres. Des années taffes de longue haleine, des aléas et de grosses galettes. Mais comme dans le cyclisme, vie de gros talent. Mes muscles se contractent, c'est v'là le volcan lucide. Mon magma stable et stagne à la sale violence des îles architecturales. Si tu paniques sexuales, le mal s'alterne à l'extrême en substance. Avec tant de magma, psychotrope, multiple oxyde, osmose, en écran. Plasma tricolore complexe, alerte au seuil que tu compactes. Mon glaive prend, se mêle à l'air au sol. J'ai des hiéroglyphes sur les murs, sur les bus avec les cuffets. Qui logique leur kilomètre de fuite dans cette ville hostile où brillent les gyrophares. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Diagonale et notre orbite. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Diagonale et notre orbite. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Diagonale et notre orbite. Colère de Jack, des remontées gastro-œsophagiennes et des gaz gastriques m'empêchent de digérer mon cœur. Imminente une entrée au Fight Club éclaire mon diagnostic. Trouble aigu de l'oreille moyenne, perte du sens de l'équilibre à la base. Amputé des glandes lacrymales, matraquage. Je suis le liquide biliaire de Jack, v'là la crasse. Je vise le coma éthylique, la bile, la gerbe s'évacue via l'œsophage. Je laisse au bas les striptease, halte sauvage. Je commande l'esprit libre, anthropophage. Et toi tu flirtes avec un dieu cannibale. Je ne suis pas exceptionnel ni magistral, juste un connard moyen sous psychose hystérique, larmoyant, salarmant au club des alcooliques, anonyme, hypoglycémique. Et je rêve de tout péter à la nitroglycérine, projet KO, hypnotique, stérile, les hypocrites sévissent. Je suis l'hypothalamus de Jack, je sens que monte ma colère, accompagné de violentes poussées d'adrénaline. Mes yeux de sang s'injectent à cause de la fumée que j'inhale malgré la bise. La caution, Mike, yo, je te dis que c'est royal, pour toi tes aïeux. C'est de la concurrence déloyale. Je danse le Mia comme Benson Chalamar Royam. Canular pour sauver le rap comme soldat Ryan. Mon mic est en bruit sans fioriture. Notre ordre gêne bientôt dans le rap une ouverture pour les androgynes. Mande à base de date, quelle pourriture descend aux gifs qui magnaille. À quelle nourriture prétend aux gifs sur l'enveloppe. Note beaucoup de surplus par le biologique et le troc. Smoke la couverture que furent les colonies. L'idéal hospice, comment passer des tuiles au trône. L'idéal hospice, ça gros passé du deal au gros. Autrement dit, un gros maudit d'argent afin ce jeune en croco. Soigneusement dit l'automobile. D'agent à jeun de promo deal avec la rame, l'économiste, pas de balle de leur prototype et les protonistes Scarface retrouvent en tôle en retenue. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Hexagonal et notre orbite. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Hexagonal et notre orbite. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Hexagonal et notre orbite. Asphalte hurlant, mon mic est en bruit. Hexagonal et notre orbite. Album de la caution, Asphalte hurlante, c'est-à-dire le titre de la chanson que vous venez d'écouter. Vous êtes sur Radio Contrabanda, il est 91.4. On finit dans une petite dizaine de minutes avec nos amis de la caution qui sont là dans la place. Safi en pleine forme, il a passé une super bonne nuit. Il se souviendra de Barcelone d'ailleurs mieux que les autres. Et notre ami Saïd qui nous a rejoint avec son t-shirt du Paris Saint-Germain Forever. La place, mon frère, ça me fait plaisir. Ça va, Saïd? On t'a entendu vite fait tout à l'heure. Comment tu vas? Ouais, bien, tranquille. Ça s'est bien passé? Ouais, Marça, tranquille. Une belle ville quand même. Hein. Ah, de la bombe. On a fêté le titre de Barcelone. Exact. Champion. Champion. Félicitations en tout cas. Ah ouais, vous êtes déplacé jusqu'à Catalogne à voir les joueurs? Ah, malheureusement, non, t'es trop fatigué, mais. Sacré bordel dans la rue, les gars. Sacré bordel. Non, c'est une ville qui transpire football et. Alors, il en faut comme ça. Ça me fait plaisir que tu sois là parce que au-delà du fait que effectivement moi j'ai vu Ocean 12 et j'ai kiffé la bande originale du film, vous en faites partie. Donc rendez-vous aux États-Unis les mecs et puis bien sûr aussi lors du long métrage de Kim Chapiron, Chetan, qui a été présenté l'année dernière au Festival de Cannes et qui est sorti en février dernier, je crois. Vous avez participé puisque vous faites partie du collectif aussi Courtrage-Mais bien connu. D'ailleurs, tu me disais que vous étiez 134 dans le collectif Courtrage-Mais. On se connaît pas tous, mais ils sont parfaitement en mention. J'imagine. T'invites Courtrage-Mais à la maison pour un apéro, accroche-toi quand même. Ah ouais, non, mais c'est limite problématique. Hein, ouais. Et en fait, tu rencontres vite fait des gens qui connaissent des Courtrage-Mais un peu partout, quoi. Ah, partout. Et donc, du coup, en fait, tu te dis, le monde est petit, quoi. C'est comme une toile, en réalité, qui est tissée à travers Paris et sa banlieue. Exact. Et puis à l'étranger aussi. Hein. Et il y en a même à l'étranger, il y en a un peu partout, quoi. Via Barcelone, bien sûr. Alors, ouais. Au-delà du fait qu'effectivement, tout ça. Ça vous a fait péter la caution. Moi, il y a un truc vraiment que je retiens, c'est que vous êtes à Noisy-le-Sec, médaillé. Et ça, franchement, je tenais à le dire parce que moi, j'applaudis que la caution et que les deux frangins ont été amenés à venir. Comment tu sais ça? Ah bah ça, je le dirai pas. Moi, j'ai mes connexions. Je connais même une histoire encore plus. Alors, je sais pas si on peut se permettre de raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là lors de la remise des médailles. Il y a moyen de balancer là ou quoi? Vas-y. Non mais pour résumer. Elle est chez toi, Saïd, la médaille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour résumer la situation, le maire, donc, pour remercier les habitants de sa commune, enfin les emblèmes charismatiques, on va dire, de sa commune, donc les invite chaque année et puis leur offre une médaille. Et ce jour-là, malheureusement, Hightech n'a pas pu être présent. Et logiquement, dans la caution, il y avait Hightech et Nick Fury. Donc Nick Fury était là et je me suis permis de le remplacer. D'accord. Et de me faire passer pour Hightech, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle il n'était pas là, c'est qu'à l'origine, vous pensiez que c'était un truc comme ça, l'attaque remise, voilà, et tout exactement. Machin, et qu'en fait, arrivé là-bas, il y avait caméra et compagnie, voilà. Et que vous étiez super attendu parce qu'il fallait des images. Il y avait les RG, les flics. Bah ouais. Et il y avait FR3. C'est pour ça que t'es content de pas y être allé, hein. Ah, salopard. Et juste pour terminer, puisqu'on va faire une. Je voudrais t'entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. FR3, bon, c'est France 3 maintenant. Ouais, ah ouais. Je regarde pas trop la télé. On t'en voudra pas. Okay. Et au niveau de la communauté française à Barcelone, vous êtes combien ici à peu près? On est 95 000. À peu près. Donc, en Catalogne, c'est ça. Donc on va les saluer et on va essayer de les motiver à aller sur notre site internet. Vas-y. Donc qui s'appelle www.la-caution.net. Et dessus, on aura, vous avez bien sûr le forum, etc. Et puis il y a surtout toutes les dates. Ça, c'est un menu. Surtout, il y a toutes les dates. On se retrouve, on tourne beaucoup, vous savez, beaucoup de tournées. On se retrouve le 10 à Montpellier. Ils iront sur le site. Ouais, ils iront sur le site. Et puis voilà. Ouais, parce que c'est pas loin d'ici Montpellier. Hein. Ouais, c'est un petit coup de bagnole. Donc ça l'antirouille à Toulouse au liquide. Il y a Toulouse, il y a vendredi 12, elle est à Carpentras dans le cadre du festival électro, c'est quoi? Circus. Exact. Et samedi 13, ça va se passer dans le secteur, hein, vous serez dans le 95 à Argenteuil. Le 18, vous retapez à Saint-Etienne, c'est ça, vous redescendez un petit peu, et après vous allez direct au Maroc, tranquille aussi, ça va être cool là, ça. C'est la première là, la caution au Maroc? Ouais. La première, hein? Première. Terrible, ça va être cool. Vous partez tous les 4, tous les 5? Tous les 5, ouais. Tous les 5, la Dream Team en place. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de vous avoir ici dans cette émission, les mecs, parce que nous, on vous écoute ici à Barcelone. Et si les Catalans peuvent se choper la caution et aller se la procurer dans les bacs parce qu'ils peuvent le faire, eh ben, franchement, voilà, allez-y, écoutez tout ça, ça vaut le coup. Et en plus, il nous arrache les affiches derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il les remet discrètement, il est en train de les remettre discrètement et tout. Bah ouais, en tout cas, à la prochaine, hein. Ouais, à la prochaine, au prochain concert à Barcelone. Vous reviendrez, non? Et ouais, bah, on espère bien. Hein. Fab, tu reviendras? Moi, oui, bien sûr. S'ils viennent, je reviens. D'accord. Ouais, comme j'ai dit à Seb, en tout cas, merci à Seb de nous avoir nous avoir gardé ici et s'occuper de nous. Bravo. Là, il a fait du bon boulot. Ouais, non, il a fait du bon boulot. Parce que c'était pas évident, surtout qu'on a su qu'effectivement, il y avait une journée qui a sauté. Et ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est que la caution soit restée, soit le groupe dans le français qui soit resté, quoi. Et dans ça, la c'est... prog, ouais, au théâtre. C'est pour ça qu'on a un petit big up au mec qui organise le Urban Funk Festival. Urban Funk. Vous avoir fait confiance, quoi. La caution était obligatoire. Vraiment. Radio. Contrabanda ici. Radio Contrabanda, ouais. Contrebande. Ce qui signifie, c'est un petit peu l'image aussi, l'identité de la station. C'est la raison pour laquelle nous, on est là aussi à venir faire de la radio en français. C'est parce qu'on est dans une radio alternative et ça nous fait plaisir aussi d'avoir la caution dans une radio alternative. Sur Génération, on se retrouve quand Moi, mon émission, c'est tous les mercredis soirs de 22h minuit. Vous pouvez faire ça sur le net, c'est www.generation.fm.com et vous cliquez sur Underground Explorer et vous verrez mon associé Hour et moi-même, DJ Fab, pour mon émission. Voilà, tous les mercredis de 22h minuit. Et pour ceux qui ont la chance d'être à Paris, ça se passe sur le 88.2, sur la FM bien sûr. Bon, High Tech, je te souhaite bon vent, plein de belles choses à venir, mais ça va le faire, une série de concerts, ça va être mortel. On trouve l'album en Espagne, Peine de mort à conseil pour Damien. Eh ben écoute, on va aller vérifier ça demain, mais en tout cas, si c'est pas le cas, on demandera à Seb de travailler encore mieux, tu vois. D'accord. Quelques-uns en import, quand par exemple on a une date, là il doit y avoir 3-4. Et sur le site, on peut se la choper. Ouais. En tout cas, voilà, tu le trouves sur Amazon, sur iTunes, Fnac.com, tout ça. Ok, mortel. Bon bah pécho, ouais, caution. Pécho, merci. Faut le chauffer. Vas-y pécho. Tu vas rajouter un truc, Saïd? Non, en tout cas, merci pour tout. Bah, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez, les portes sont ouvertes, welcome à Barcelone. Là on voit que les Français de Barcelone sont solidaires. Hein. C'est clair. Contrabanda. Contrabanda. Partout. Avec le bureau export et tout, la totale, hein, n'est-ce bah pas ouais, Seb? Ouais, Seb, qui était sur le projet la caution à une époque aussi. C'est vrai. Il a bien bossé. Mais c'est la raison pour laquelle vous avez été amené à revenir ici à Barcelone. Il est discret, mais il est bien là. Il est dans la place. Saphir, un petit mot pour la fin? Un petit big up à l'Angleterre? Gracias, muchas gracias. Ah bien, tranquille, mortel. Ça parle espagnol en émission, vous avez mortel, vu. Mortel. Bon, bah, terrible. Pour la Coupe du Monde, les gars, vous êtes fouteux, là, je sais. Fab, est-ce que t'aimes le foot, toi? Moi, je suis pas du tout là-dedans. Ah, t'es comme high-tech, toi, c'est pas ta cam. Non, moi, je suis dans un autre foot, c'est football américain. Voilà. Ah ouais? Ah ouais, si vous avez les Dragons, ici, football américain, à Barcelone, une équipe européenne... espagnol, football américain ici, qui sont dangereux. Ah ouais, ouais. Ah, fallait signaler, bien vu. On va savoir. Sur l'année prochaine, Marseille, Ligue des Champions, la Ligue. Champion de France. Ouais, tu parles, ouais. Allez l'OM. Ouais. En tout cas, Marseille éliminé. Exact. Qui a perdu, malheureusement. Exact. Contre le Paris Saint-Germain, pour vous saluer le passage de l'ancien club de Ronaldinho. Et voilà, le Paris Saint-Germain qui vous a fourni un joueur d'exception. Ah, Martel. Un joueur du monde. Qui vous ont formé un petit peu et qui vont leur renvoyer. Exact. Nous, on le travaille un peu, puis après, on vous le donne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et juste un petit pronostic pour la Coupe du Monde, parce que j'imagine que si vous n'êtes pas fan de foot, vous avez quand même un petit pronostic pour la Coupe du Monde qui va se passer en Allemagne là, 2006. Peut-être pas la France, mais en tout cas pas l'Espagne, quoi. Ça sera pas l'Espagne. Je te confirme que ça sera pas l'Espagne, effectivement. Les Catalans, ils sont bien comme toi, ils sont solidaires. Je vais rester chauvin, la France. Hein. La France. Ouais, j'espère carrément. En tout cas, Zizou, la dernière Coupe du Monde. Bon. Monsieur. Allez, Zizou. Zizou. Au revoir, monsieur, en tout cas. Au revoir. Oui, il arrête le foot. Je crois que c'est officiel. Après la Coupe du Monde, ça sera définitivement terminé. Zizou, tant pis, mais en tout cas, il nous a fait du beau travail, le Zizou. Moi, je sais pas si on peut tester avec le Brésil ou l'Argentine. Mais je crois que le Brésil, quand même, gros niveau. Gros niveau, le Brésil. Dans le classement en Amérique du Sud, c'est le Mexique. Bon, on verra tout ça en Coupe du Monde, les mecs. En tout cas, c'est partie intégrante de l'émission. Il y a toujours un petit côté foot à Contrabanda. Toujours, ouais, ça fait plaisir. Bon, moi, je vais dire un petit mot, Lorenzo, juste avant de se quitter, c'est que la Carabarna, c'est toujours les mercredis au Lantiol. Et là, il y a nous aussi d'origine marocaine ou kabyle. Enfin, voilà, ça va péter, ça va être orientalo, bien boosté, avec des bonnes chansons de par là-bas. Ça va péter. Voilà, fallait le signaler aussi notre concert. Dédicace à Grade Footloose. À Footloose. C'est pas Footloose, c'est un collègue à nous qui est pas capable de venir. Eh bah tant pis, bon, j'espère qu'il nous écoute par le biais du net. Merci Fab, je te donne rendez-vous à partir de 22h et jusqu'à minuit sur Génération, bien sûr, voilà. Comme tous les mercredis. High Tech, pareil, merci mon frère. Bah merci à toi. Et tu reviens quand tu veux. Hein. Pas de soucis. Ok, Nick Fury la même, hein. Nick Fury pareil, vous venez nous mettre le feu à Barcelone. Saïd, grand merci aussi pour toi. Et puis bien sûr Saphir, tranquille dans la place comme d'hab. Hein. Merci à Sam en tout cas. Hasta luego. Merci à Sébastien Prieto. Ah, c'est bon, merci quand même. Je parle du bois pour le concert. On le redit. Sébastien Prieto qui est dans la place aussi. Seb, tiens, viens nous dire un petit mot. Viens nous dire un petit mot, Seb. Non mais voilà. Un merci à la caution d'être venu. Moi, ça m'a fait très plaisir, en tout cas. Ça m'a touché. Merci. Ouais. Si t'es là-dessus, c'est cool. Et réciproquement avec la avec Contrabanda, bien entendu. La Contrabanda. Contrabanda. Un petit mot en espagnol, les gars, pour finir. On y va, Saphir, c'est parti. Un petit mot en espagnol. Hola, Barcelona. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Muy bien. Bien. Garanga. Podemos decir que la situation est muy bien. Yes, I. C'était la caution sur Contrabanda. Rendez-vous lundi prochain à partir de 21h30 pour Los Gabachos Banda, votre programme français. Merci à tous. Caille à Paname, on rêve d'avril, le jour de l'an, le jour tout le monde dans l'équipe, on n'est pas pris, je suis pas alcoolique comme tâche, un avant-goût de bouffe, pas de l'emporte, ni qu'une tâche, ni de caisse, route, ouf, les plaques, tâches, de Nick s'embrasse, j'ai le M-Sing pour tâche, dans une Sam, c'est Nick mon Mike, leader.